Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. David Ferron sera avec nous pour nous donner un avant-goût du premier journal son campus de l'année. Et on apprendra comment mieux vivre avec la présence de David dans les instructions d'assemblage. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 20 septembre 2016 à 219 jours de la fin de l'année scolaire 2016-2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin. Yeah! On aurait dit que tu pas certaine. Ça va bien. Ça va très bien. Oui, beau petit matin où je suis arrivé avant toi pour la première fois ever. Mon Dieu, j'ai pogné de quoi, Mathieu? J'ai essayé l'autobus express aujourd'hui. Ah, c'est ça? Ça fonctionne bien. C'est comme le bus magique, ça t'amène automatiquement ici. Dans ton estomac. C'est ça, exactement. Je suis parti à 7h04 de la rue derrière chez moi, un petit peu de marche, et puis je suis arrivé ici à 7h12. Genre, c'est mon Dieu. C'est parfait. C'est casse. Bref, on va voir combien de temps je vais faire ça. Peut-être cet hiver, on verra. Ben oui. On verra. Aujourd'hui, Tania, dans le plan de l'émission, on va avoir David Ferron à 8h30. Lui qui va nous faire... d'habitude, les rédacteurs en chef du journal sur le campus passaient aux deux semaines parler du journal qui venait de sortir le mardi. Oui. David a pris l'initiative de venir chaque semaine. Donc, on va le voir la semaine de la sortie pour parler du journal en cours et la semaine entre les deux pour donner un avant-goût du prochain journal et des fois jouer de la musique du monde. Donc, on a comme un combo de David Ferron. Ça va être cool, ça? Ça va être très, très cool. À 8h30 tout à l'heure, David Ferron, lui qui passe ses journées, je pense, une vingtaine d'heures par jour là, à travailler sur le nouveau Zone Campus qui sort le 27 septembre. Ta collègue à toi, ça revient plus tard, Taniaise Gonin-Jeginia, qu'est-ce qui se passe? Bien, je vais vous parler, en fait, de monarchie. C'est tout ce que je vais vous dire ce matin. Ah, t'es royal. Voilà. Eh bien, et moi, je vais commencer l'émission avec une première heure de les instructions d'assemblage. Donc, on va essayer de mieux vivre ensemble en se donnant des conseils de vie. Mais avant ça, une pièce de Peter. Et voici avec Noir, Hélène. C'est pour aller avec le brouillard aujourd'hui. Oui, hein. C'est sombre pour 7h36, je trouve. Tout à fait. C'est un peu sombre. C'est la première fois qu'on dit l'heure cette année, je pense. Je pense que oui. 7h36, heure de l'Est. Vous êtes ensemble à requis jusqu'à 9h30. Assis devant rien, je réfléchis, j'invoque l'esprit, celui qui depuis lors me possède. Fantôme, il ne m'écoute plus, je le comprends, je m'écoute trop et ça ne mène jamais ailleurs. Trois heures à M, seul avec moi, dans un diner, ouvert 24 heures où les gens prennent pour emporter. Les toilettes propres, la dame est gentille. Et quand elle parle, défile les sous-titres comme au cinéma. C'est un film noir, oui je pense. J'espère au moins que quelqu'un regarde et connaît la fin. J'ai des questions, des myriades de questions. Une de plus à chaque seconde. C'est un film noir, oui j'en suis sûr. J'espère au moins que quelqu'un regarde et connaît la fin. J'ai des questions, des myriades de questions. Une de plus à chaque seconde. C'est un film noir, c'est un film noir. C'est un film, c'est un film noir. C'est un film noir, noir. J'écris mes aveux dans le bloc-notes. Soudain quelqu'un rentre, j'ai cru c'était toi, c'était personne. Une meute de loups entre et dévore tout. Je crois qu'ils sont ivres, ils ont l'air heureux. Ça me le rend un peu, je les espionne. J'ai le souvenir d'avoir fait bien pire il y a quelques années. Je m'en suis sorti, non. Peter et la pièce noire Eden à Assemblage requis. Avant que l'émission continue et que David Ferron parte à la course pour arriver pour 8h30, là, je l'ai annoncé pour 8h30, il est à 9h, David Ferron. Okay? Voilà. Donc, Chronique sur le campus à 9h, toi, tu vas être à 8h30. On a une chronique de sport effilochée aussi aujourd'hui. Oui, ben oui, on est le mardi. Il y a plusieurs choses qui se sont produites au courant de la fin de semaine et qui vont peut-être se produire aussi au courant de la semaine. Alors, tout ça dans sport effiloché. Oh yeah! Tout à l'heure, vers 8h15. Et puis, mise à jour, parce qu'on a commencé à le faire la semaine passée, donc il faut continuer sur notre bonne lancée. De la construction du toit. Oui, oui, c'est pas fini, ça. Non, on dirait qu'il y a un iceberg sur le toit, donc je sais pas si faut dire « Capitaine! » Je sais pas, mais je sais que présentement, on se fait regarder beaucoup. On dirait que le changement de travailleurs est fait, par exemple. Il y a comme eu une vague de ceux qui sont venus démolir le toit. Oui. Qui sont venus mettre des pieux dans le plafond hier. Puis là, ce matin, c'est carrément d'autres travailleurs qui viennent mettre les gouttières. Oui, ils sont encore là en passant les clous. Oui, puis ça arrive sur le toit présentement. Ça nous fait peur un petit peu, les clous dans le toit. Oui. Qui transpergent jusque dans notre studio. Mais comme notre directeur de la programmation, Alain Lefebvre, nous a dit, ils mettent tellement de pitch sur le toit que sûrement que ça ne coulera pas dans le studio. Sauf que là, on a des clous dans le toit. J'ai comme l'impression que les gens qui ont fait des trous dans le toit s'attendaient à ce qu'il y ait un plafond suspendu. Oui, pour pas que ça paraisse. Oui, tout à fait. Ouais. Mais sachez, messieurs, qu'on voit tout. Oui. Nous vous regardons. Et voilà. Nous vous regardons. Je pense qu'il fait pas. J'arrête d'y faire des signes. En tout cas, ça le fait rire. Ça, c'est sûr. C'est ça, exactement. Bref, on vous tient au courant de la construction du pavillon Néré Beauchemin, pavillon à la vie étudiante, au cours de la semaine jusqu'à temps que ce soit fini. Sûrement dans le coin des fêtes, hein, parce qu'il n'était pas pour faire ça l'été quand même. Mais probablement en même temps que les toilettes vont se faire laver. Est-ce que tu as vu la nouvelle passée? Oui, j'ai ri. J'ai ri en plus parce que hier, j'ai fait un post Facebook là-dessus. Parce que je tiens à dire que les toilettes des filles du pavillon Néré Beauchemin sont vraiment dégueulasses. Dégueu. J'ai jamais vu des toilettes aussi dégueulasses que ça. C'est pas vraiment mieux du côté des gars. Ben, d'après moi, c'est mieux du côté des gars. Je t'invite, Mathieu, à aller faire un tour dans les toilettes des filles. Si tu m'invites. C'est vraiment dégoûtant. Voilà. Bref, on a lu dans le Nouvelliste récemment sur Internet que ils se sont fait dire c'est un aménagement au ménage roi. Oui, exact. Qui est sous-contractant pour le QTR, qu'il pouvait pas mettre de savon dans leur eau. C'était juste, il avait à l'eau. Fait qu'il prenait le pipi dans les toilettes puis il allait laver le plancher du pavillon. Il y a des gens qui sont attitrés à... ben pas vraiment l'aménagement, mais l'hygiène, mettons. Ouais, c'est ça, comme laver les pavillons qui refusent de le faire. Ouais. Avant, c'était Sodexo qui faisait ça, c'était pas mieux. Mais avant, dans le temps que c'est peut-être quelque chose de moins peu cher, c'était pas mal plus propre. Non, mais tout ce que j'ai à dire, c'est, mesdames, au lieu de pitcher vos papiers de toilette par terre, faites-le dans la toilette. Ah, c'est des conseils comme ça qu'on veut dans les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulez-les aux charpentes numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17, repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. C'est les instructions d'assemblage, la chronique dans laquelle on parle de conseils de vie. On essaie de mieux vivre ensemble. C'est pas des... on vous force pas à rien faire. En fait, on ne fait que se donner des conseils, Tania. Pour commencer la chronique aujourd'hui, est-ce que... Comment tu dors, pour commencer? Comment tu dors? Est-ce que tu veux dire si je dors bien ou si je dors mal? Ah, ou... j'avoue que c'est pas clair. Est-ce que tu dors nu? Est-ce que tu dors en sous-vêtements, en brassière? Est-ce que tu mets un point entre les seins parce que sinon ça fesse? Un point entre les seins? Il y en a qui font ça, hein? Ah, je sais pas de quoi tu parles, mais... Ouais, ils vendent un truc dans les infopubs, là, un genre d'outil cylindrique qui va entre okay. les seins pour pas que tes seins fassent mal. J'en ai pas assez fassé. Ben, arrête donc! Arrête donc! Je dors avec un oreiller de corps. OK, oui, tu me l'avais déjà dit. En forme de quoi? En forme de corps. Oh. Et souvent, en sous-vêtements. Ah bon? Mais des sous-vêtements de nuit, là, pas une brassière normale, des madame. Des dentelles? Faites pas ça. C'est quoi un sous-vêtement C'est pas nuit? Bon une brassière normale. C'est quoi, un top comme l'entraînement? Ou? Ouais, mettons, similaire. C'est très, très léger. Ouais. Bref, ben, tant mieux. Tant mieux. Oui, voilà. C'est ça. Apparemment que dormir nu a tout plein d'avantages. Oui, hey, j'ai déjà su ça. Ben oui, là, tu ne savais plus, fait que je vais te le redire. C'est ça, non, mais t'as raison, j'ai oublié. Ben oui. Donc, c'est un sommeil plus profond, plus intense, qui va vous aider à rester au froid pendant que vous vous reposez, selon une vidéo de DNews, de Discovery, sur assemblagerequis.com. Ça ajoute d'autres avantages. Dormir nu, ça garde votre corps plus froid que dormir avec des vêtements. Ça, je pense que c'est assez évident. Évidemment. Mais la différence de température peut mener à un sommeil plus reposant, plus profond, un sommeil sans interruption. C'est pas le seul avantage de dormir nu, comme nous dit la vidéo. Ça peut aussi être bon pour la santé reproductive et minimiser les chances d'infection des ovaires, je crois. Oui, les ovaires, oui, voilà. Pour les dames, les hommes, ça aide à garder vos testicules au froid et éviter. Pas évider, parce que non, c'est... Non, pas les vider. Vous faites ce que vous voulez pendant la nuit, en fait, vous en rendez pas compte, hein? Ça se réveille, c'est tout... En tout cas, ça vous aide à avoir... à empêcher d'avoir moins de... Voyons comment on appelle ça, de sperme. Ah, OK. Voilà. Bref, le contact aussi peau contre peau est non seulement thérapeutique, mais c'est une bonne forme de médication, si on veut, pour votre corps et votre esprit. Donc, toucher l'autre personne, ça va former un lien émotionnel plus fort avec votre partenaire et ça va faire relâcher de l'oxytocine dans le cerveau, ce qui aide à régulariser l'humeur. Voilà. C'est-tu pas génial, ça? Hey, c'est génial. Puis si vous n'avez pas de compagnon de nuit, ben ah. Prenez votre oreiller de corps. Voilà, c'est dit. C'est pas de la peau? Est-ce que t'as un oreiller de corps en latex qui simule la peau? Humaine, non, malheureusement, non? De toute façon... C'est très cher, hein? Il y a des choses qui pendouillent, dis-toi. Ça fait peur, parfois. Oui, ben d'habitude, des choses qui pendouillent du lit, ça va, mais dis-toi. C'est, oui, c'est ça, c'est exactement. Améliorer la qualité de vos heures au travail et non pas la durée de votre journée au travail pour faire plus, accomplir plus de choses. Ton horaire de travail, est-ce que c'est du 9 à 5, du 8 à 4, du. Ça dépend des semaines. Oui, c'est pas mal du 7 à 6, c'est du quand ça donne jusqu'à quand ça donne, puis c'est la job que t'as à faire. Bref, ceux qui arrivent au travail à 9 heures ou peu importe et qui n'ont pas fini de travailler à 5h, 17h. Qu'est-ce que tu peux faire à part allonger tes heures de travail? Voilà. Donc, t'as l'impression. Boire plus de café. C'est ça, t'as l'impression que t'as pas le choix, mais tu peux faire quelque chose pour améliorer la qualité de ces heures-là à la place d'augmenter le nombre d'heures. C'est l'écrivain Benjamin P. Hardy. Okay. Qui explique ça sur Medium. La plupart des gens qui travaillent 8 heures par jour travaillent pas extrêmement difficilement ou durement pendant ces 8 heures-là. Il y a des temps de pause, on va sur Facebook, on a des conversations avec les collègues de travail, ce qui finit jamais. Hein? Mm-hmm. Et on a le petit avant-café où t'es pas aussi productif, l'après-café où tu frappes un mur. Ça peut être long. Donc, avant de commencer à refaire ton horaire pour ajouter plus d'heures à ta semaine, essaie de focusser sur du travail plus concentré quand t'es à ton sommet. Quand t'es okay. à ton meilleur. Donc, à la place de juste t'occuper, mm-hmm. hein, on dit à la place pour avoir de meilleurs résultats, de faire les choses au complet à la place de juste travailler à moitié, mais travailler moins longtemps. OK. Donc, on va faire un concentré de travail où tu t'acharnes plus, tu mets tes écouteurs, tu évites les conversations avec les autres, tu travailles plus fort et tu travailles moins longtemps. Je fais donc, souvent l'intensité ça, hein? À la place. Tout le temps avec des écouteurs dans les oreilles pour pas que j'entende ce ça que travaille beaucoup mieux. Pour vrai, je... Je m'excuse, mais il y a des gens qui sont un petit peu stressants au travail. Oui, ben oui. Mais on de se concentrer, à 9 heures, de se mettre... C'est ça. De se mettre dans une bulle, parfois, ça aide vraiment beaucoup. Absolument, il faut des fois. Donc, activité intense suivie par un bon repos. Et après ça, on s'en remet et on recontinue à travailler. Tu comprends? Donc, tu vas faire une phase de travail acharnée. Mm-hmm. Tu vas arrêter. Pause qui vaut la peine. Tu vas aller marcher. Café. Tu reviens. Pour être plus productif au lieu de travailler plus longtemps. Est-ce qu'on comprend? Bon, ça va faire. Oui. Ensuite, comment emballer tes câbles pour qu'ils ne deviennent pas tout mêlés? Les câbles, par exemple, télévision... Les fils. OK. Voilà. Donc, une façon d'envelopper tes fils pour les garder bien propres, bien emballés, mais qui aussi va faire qu'ils vont pouvoir se défaire sans faire de nœuds dedans. Donc, c'est la façon dans le domaine du vidéo, film, musique, pour aider à garder tes fils plus longtemps, leur donner une meilleure vie. Bref, donc c'est Making Music Magazine, c'est M. Todd Hobbin qui utilise un outil, je pense qu'en français on dit mémotechnique. Ah oui, possible. Mais en anglais c'est mnémonique, je préfère le mot mnémonique. Mnémonique. Mais bon, donc il appelle ça Overworked and Underpaid, pour se rappeler comment le faire. Et on va regarder la vidéo ensemble pour essayer de l'interpréter pour en parler à la radio, on s'entend? Donc, oui, c'est ça. Todd Hobbin. C'est produit par Making Music Magazine. Hi, this is Todd Hobbin from Making Music Magazine. A lot of people wanted to know about this. Savoir. The Mon truc. Rap. So where pro wraps their cables. C'est comme un pro enveloppe ses fils. Donc là, on voit, bon, les fils sont tout proches, tout est pogné en un, il faut que tu te fasses ça. Donc il y a deux raisons pour lesquelles c'est mauvais. Pour commencer, quand t'arrives à lier que t'as l'air d'un idiot. Et deuxièmement, ça brise tes câbles, ils vont durer beaucoup moins longtemps. C'est vrai. Donc je vais vous montrer comment organiser ces fils. It's an old seaman's trick. It's un called vieux truc de marin, en fait. Flaking the line. Basically, all you do. Donc, ce que t'as à faire, is just dump it on the floor. C'est de le domper par terre. Tu dompes le fil par terre. Comme sur le bateau. Pulling, hein? Tu tires, tu prends jusqu'au bout pour le rendre droit. OK, sans nœud. Sans nœud, exactement. Donc, il t'empile par terre comme un serpent. Mais il va se placer après. Now, here's the trick. Maintenant, le truc. Roadie rap. The way the pros do it. Comment les pros le font? You're overworked. Underpaid. Donc, tu travailles trop fort et t'es pas assez payé. Donc, tu prends le câble dans une main et le bout. De l'autre côté, tu prends le reste du fil. Et tout ce que t'as à faire, c'est le tordre pour faire un cercle par-dessus. OK, donc, la vidéo est sur assemblagerequipe.com, mais overwork, donc il passe par-dessus. Overwork. Most of us do that automatically. La plupart des gens le font automatiquement, évidemment. Remember, we just twisted it one way? Donc, on l'a twisté d'un bord, et après ça, on va le twister de l'autre côté pour que le rond suive. Oh! Donc, overworked, par-dessus, et ensuite le underpaid, ce qui veut dire que tu passes sous. Et ça, c'est le truc que moi, je n'avais pas encore saisi. Quand tu fais la deuxième boucle, tu la vires par à l'envers, pour que la boucle soit vers l'intérieur. C'est la trick. C'est la trick, exactement. Donc, le premier rond à l'endroit. Et le deuxième est à l'envers. Là, évidemment, c'est un petit peu difficile à la radio de l'expliquer. Allez voir la vidéo sur assemblagerequipe.com. Mais une fois que tu comprends qu'il faut que tu le passes en haut et ensuite en dessous, donc overworked et underpaid, ça fonctionne très bien. Moi, je ne l'avais jamais vu comme ça. Moi non plus. Il y a des gens à l'université que, quand on emballait des fils pour ses fous, qui me disaient « Ah, c'est pas le même. Check ma façon, c'est le même. » Il faisait brup, brup, brup, brup, brup. Moi, j'ai jamais expliqué ça. Overworked, underpaid. It's really nice to have one of these velcro ties. Avoir un velcro aussi d'attaché après le fil, ce que l'UQTR a compris récemment, parce qu'avant, il n'y avait jamais de velcro. Ils ont débloqué un budget, j'imagine, de 10$ pour 1000 velcro. Puis ça donne un beau petit nu, avec votre fil va durer plus longtemps. Throw these cables out. Parce que quand t'es déjà dans ta boîte, flat, right on the stage or across the studio floor when you need them. Bon, là, c'est passé de temps sur Monsieur Todd Hobbin. Overworked. Overworked. And underpaid. Je l'adore. Je trouve ça vraiment très, très bien. C'est vraiment bien. Très bien détaillé, ça, Monsieur Todd Hobbin. Donc, toujours dans les instructions d'assemblage, on est en train de. Excuse-moi, il y avait une intro à cette chronique-là. Oh, Tadine. J'ai pas fait d'intro, pas de début, celle-là. Voilà. Donc, construire une meilleure relation avec votre coloc en faisant des petites sorties mensuelles. Ah, OK. Ça, c'est comme si vous connaissez pas votre coloc, en fait? Si vous connaissez pas assez votre coloc, si vous voulez vous entendre mieux avec. Est-ce que t'as déjà eu des colocs dans la vie? Oui! Pas maintenant. T'as des parents. Oui, maintenant, je suis revenue coloc avec mes parents. T'as le chien beau. Mais oui, j'en ai eu trois, en fait. Ah oui, mais trois différentes ou trois en même temps? Trois en même temps, on était quatre dans le même appartement. Aïe, c'est pas facile. Deux dans la même chambre. Est-ce que... Oh, wow! C'était pas un vrai mur, c'était un faux mur. Eh ben, est-ce que vous vous entendiez bien, les quatre? Les quatre, on venait d'ici, à la base. Ouais. Trois-Rivières, vous étiez à Montréal. Exactement, à ce moment-là, on était à Montréal. Il y en avait deux que je connaissais déjà, puis une que je connaissais pas super bien lorsque je suis arrivée là-bas pour aller les rejoindre. Mais ça s'est super bien passé. On a finalement été de très bonnes amies. Et vous êtes encore amies aujourd'hui? Oui, on se voit pas mal moins, par exemple. bon, quand même. Donc, on peut pas toujours choisir ses colocs. Des fois, on passe une petite publicité sur Internet, peu importe, et on se retrouve avec quelqu'un qu'on connaît pas vraiment. Sinon, ça pourrait être une bonne amie aussi. Mais bon, il y a plein de raisons pour améliorer votre lien ensemble. Donc, planifier une petite sortie, genre date night occasionnelle entre colocs, est une bonne façon d'apprendre à se connaître et de faire que ce soit plus facile de gérer l'autre. Hein? Donc, quand tu connais à peine ton coloc, chaque petite chose que la personne fait peut être extrêmement frustrante parce que t'es pas confortable à approcher le sujet avec cette personne-là. Ah, tu sais, là, je trouve ça plate que tu marches sur le toit puis que t'installes les pieux tout le temps. Ben oui, comme en ce moment, là, ce que vous entendez probablement. Ça peut arriver un coloc qui fait ça, j'imagine, t'sais. Nous, on a des musiques de fond. Les émissions qui ont pas de fond, genre, c'est fou le sexe hier, ben c'est ça, on entendait pas mal la construction. Bref, Caroline Biggs chez Apartment Therapy nous suggère de passer quelques heures par mois en sortie entre colocs. Sortir quelque part pour souper, aller voir un film, prendre un café, aller vous promener dans le quartier. Montrez donc à l'autre personne que tu veux devenir ami et souvent ils vont, rendre la monnaie de ta pièce et la vie va être plus facile après parce que tu vas pouvoir plus facilement lui parler des choses. Peut-être que t'aimes pas d'elle subtilement. Ouais. Hein? Faire ça de façon vraiment subtile, mettons. Exactement. Ensuite, tiens, une mauvaise habitude. Est-ce que tu dirais que t'as une mauvaise habitude à quelque part dans la vie? Je suis dommage personnel aujourd'hui dans cette chronique. Ouais, je sais, hein, c'est fou. Comment tu dors, Tania? As-tu déjà eu des colocs? Hey, ben c'est ça, tu peux faire la même chose dans tes chroniques, là, mais... oui, j'ai de mauvaises habitudes. Cool! Donc... je vais pas les nommer. Non, c'est correct. Pour essayer d'abandonner une mauvaise habitude, il faut que tu te prouves que tu as tort. Ok, j'adore ça. Vas-y, ouais, continue. Hein, donc, la plupart des gens qui ont une habitude qu'ils aimeraient abandonner, une mauvaise habitude, on se ment, on se dit que ces habitudes-là sont pas si pires que ça. Donc, si tu veux vraiment donner un petit coup là, sur ta mauvaise habitude, tu peux commencer en te montrant toi-même des preuves que ton habitude affecte ta vie d'une mauvaise façon, d'une façon négative. Ok. Donc, quand tu veux sortir de ta mauvaise habitude, tu vas souvent frapper un mur et tu vas dire... Tu vas frapper un mur, hein? En te disant seulement, est-ce que j'ai tort? Okay. Ok. Donc, t'as ce qu'on appelle un biais de confirmation. Donc, un biais, c'est quand t'es biaisé. Un biais de confirmation naturelle qui fait que ta vision est un petit peu floue, un petit peu comme aujourd'hui avec le brouillard, parce que tu vas seulement chercher des choses qui vont te faire continuer d'avoir ta mauvaise habitude. Okay. Tu vas essayer de justifier ta mauvaise habitude. Oui. Tu comprends? Tout le temps. Donc, Liz Alexander chez Fast Company suggère de s'exposer à autant d'informations qui contredit ce que tu es en train de dire, qui fait que tu prouves que c'est correct d'avoir cette mauvaise habitude-là. Hein? OK. Donc, si mettons, il y a toujours un exemple dans l'article, c'est ce qui fait qu'après ça, on se met à comprendre mieux parce qu'il faut l'imager un petit peu, à la radio surtout. Donc, si tu commandes souvent de la nourriture pour emporter, tu te prends souvent du fast-food et que tu veux économiser de l'argent. C'est ce qu'on fait, on veut économiser de l'argent. Oui. Donc, à la place de te dire, bon, mais c'est pas grave, j'y vais juste une fois de temps en temps. Ah, je dépense pas tant d'argent que ça, c'est seulement 15$, 10$. Ouvre donc ton compte en banque pour te montrer, surligner tes fast-food dans la semaine. Ah, mon Dieu, montre-toi combien tu dépenses et combien tu pourrais faire avoir d'argent de plus dans tes poches. Donc, tu vas te prouver que tu as tort et ça va mener vers du vrai progrès et tu vas changer. Pour vrai, je suis d'accord avec ça. C'est comme les fumeurs qui vont se dire, bon, regarde, je vais encercler ou compter. Bon, mettons, je bois. Ou de l'alcool, tiens. Oui. Je sais pas pourquoi j'avais ça en tête. Donc, j'entoure les montants que ça va coûter, les caisses de 24, les gros forts, etc. etc. Et là, par mois, tu multiplies ça par année. Après ça, tu multiplies par ta vie. Imagine l'argent que tu pourras avoir. Mais mon Dieu. Te prouver que t'as tort. Si seulement. Si seulement. Hein? Mais tu n'as pas dit tes mauvaises habitudes, par contre. Non, ensuite, prendre des pauses qui n'utilisent pas la même capacité ou les mêmes habiletés que ton travail pour mieux relaxer. OK. Avoue que quand tu prends une pause, que tu vas dîner, peu importe, avec des amis, avec des collègues, et que tu te mets à parler du travail, tu sais... Pas mal comme nous, là, pas mettons. Pas mal, mettons, c'est peut-être ce qu'on a fait hier. Mettons. Et peut-être qu'on devrait se donner comme règle de ne jamais parler de travail pendant qu'on est en pause. Parce qu'on a l'impression de jamais terminer de travailler. Et voilà, quand mon collègue me dit « Ah non, j'ai pas travaillé 11 heures aujourd'hui, enlève les 2 heures qu'on a passé au resto. » Ouais, mais quand même, t'as parlé de travail. Ouais. T'es pas payé pour! On a réglé des problèmes. Ça, c'est vrai, par exemple. Donc, lorsque ta journée de travail se termine, tu déconnectes ou tu fermes ton ordinateur. J'espère que tu ne déconnectes pas du mur, hein, parce que là, à un moment donné, il faut qu'il y ait un problème. C'est pas toi qui paye l'électricité là, au travail? Non. Donc, tu retournes à la maison, tu relaxes et ensuite, tu ouvres un autre ordinateur, tu t'assois devant pour jouer des jeux. Et puis là, ben, t'es pas aussi relaxé que tu pourrais l'être, comme nous dit le site de productivité 99U. C'est que tu utilises les mêmes activités mentales pour aller devant ton ordinateur à jouer un jeu que tu utilises pour aller sur ton ordinateur faire de l'Excel. Eux, ils disent de changer de domaine complètement. Donc, tu n'utiliserais même pas le même outil, tu n'utiliserais pas la même machine. Là, ça commence à être un petit peu plus extrême. Wow! Donc, si tu passes toute la journée à lire du texte sur un écran au travail, tu reviens à la maison, tu relaxes en lisant des nouvelles, comme je fais tout le temps, c'est peut-être pas une bonne chose. Okay. Donc, tu devrais varier tes activités pour que ton cerveau change de zone, pour vraiment relaxer. C'est mieux de trouver quelque chose qui ne ressemble pas à ton travail. Donc, les activités cognitives pendant les pauses rendent en fait la fatigue encore pire parce que lire des sites pour regarder des courriels, ça utilise les mêmes processus mentaux dans ton cerveau que tu utilises quand tu travailles, voilà. Donc, ça pourrait être de changer complètement de choses. Ça pourrait être de jouer à des jeux vidéo dans ton salon sur la télé à la place de le faire sur l'ordi et assis dans la même position qu'au travail. Ça pourrait être lire sur un Kindle, un livre électronique avec de langue électronique au lieu de lire sur ton téléphone comme tu fais avec tes courriels dans la journée. Donc, c'est ça. Là, évidemment, on parle seulement de machine à machine. Ça pourrait être aussi, va jouer au basketball. Oui, c'est là, on sûr. Parle des activités que tu ferais de toute façon, t'sais. De changer d'appareil, de changer de position. On se comprend? Oui. Petit rappel pour ceux qui veulent s'acheter un nouveau iPhone. Ouais. C'est maintenant le moment. C'est dans les derniers jours pour vendre votre iPhone. Je dirais même que vous auriez probablement dû le vendre avant la sortie, sauf que étant donné qu'il est back-order dans la plupart des magasins et que présentement, si tu achètes même sur le site d'Apple, t'as encore 2-3 semaines avant la livraison de ton iPhone 7, mettons. Oui. C'est maintenant le moment pour vendre ton iPhone 6S ou iPhone 6 ou iPhone 6 Plus ou peu importe. Attendez pas plus que, je dirais, la fin du mois de septembre. Parce que là, les prix vont commencer à descendre. Présentement, okay. Je dis que c'est le meilleur moment parce que de toute façon, les gens ne peuvent pas avoir d'iPhone 7 en ce moment. Donc, s'ils ont besoin d'un téléphone là parce que leur ancien a brisé, ils vont l'acheter tout de suite. Ah, donc, allez-y maintenant. Et bon, il y a plusieurs sites web des gens de c'est quoi, au Canada, je me rappelle pas c'est quoi, mais il y a aux États-Unis Glide et Swappa pour avoir des prix pour revendre votre téléphone. Moi, je vous conseillerais de ne pas choisir ça parce que c'est vous allez perdre de l'argent. Donc allez-y sur des sites comme eBay. Moi, je suis rendu un grand fan de eBay maintenant que c'est rendu beaucoup plus facile à utiliser. Avant, t'avais un formulaire là, de genre des pages. Bon, la dimension de ton paquet exactement, ouais. Le poids de ton paquet, l'endroit de manufacture, tu sais, il y avait beaucoup trop de questions. C'est encore le cas si vous allez sur ebay.ca, que vous cherchez un article et que vous faites « je veux en vendre un comme ceci oui. ». Souvent, ça va mener vers l'ancienne page. Conseil d'amis, allez directement sur la page d'accueil de ebay.ca. OK. Cliquez sur « vendre ». Et là, c'est la nouvelle page qui arrive avec un beau petit environnement, tous les coins ronds. Tu marques le nom de ton produit, il va le trouver. Et là, le formulaire pour vendre est en genre même pas 10 questions. Ah, oh, mon c'est Dieu! C'est genre « titre, résumé, prix que tu veux le vendre ». Accepter les remboursements. C'est pas mal tout ce que t'as comme question. C'est beaucoup plus simple que c'était. Je vous le conseille énormément. Mais sinon, moi, pour les téléphones, pour les choses qui sont grand public, je dirais Kijiji en premier. Tout ce qui est vraiment téléphone, étui, écran d'ordinateur, je dirais Kijiji. Et si c'est des affaires un petit peu plus sophistiquées, comme, mettons, tu veux vendre un Game Boy, mais pas à 20$. Ouais. Tu veux vendre comme moi à 160$ à un collectionneur parce que c'est un vieux modèle. Sur eBay, ça se vend beaucoup mieux. Kijiji pour les produits faciles à vendre et eBay pour les produits recherché, je dirais même, de niche. Ensuite, on va essayer de se pardonner un peu pour... Ben, pas se pardonner, pardon. Pardonner aux gens pour te rendre plus productif au travail. C'est pas toujours facile de pardonner à quelqu'un, surtout quand c'est un collègue de travail et que tu dois le... disons, travailler avec tout le temps. Selon une étude récente, apprendre à pardonner les autres au travail peut faire que tout ce que tu fais soit un petit peu plus facile. Ah, d'accord. Donc, avoir un peu, être rancunier, si on veut, comme... ouais, c'est ça, rancunier. Rancunier. Donc, envers un collègue de travail ou un patron, ça peut mener à des interactivités un petit peu plus négatives et à du conflit. Tous ces sentiments-là peuvent faire que tu vas te désengager de ton travail. Si on veut, tu vas être comme détaché, peut-être blasé un petit peu. Tu vas refuser de collaborer avec les autres et ça va complètement défaire ta productivité. Donc, une étude de la part de Lauren Toussaint du Department of Psychology au Luther College, voilà, est publiée dans le American Journal of Health Promotion, suggère que pardonner aux autres peut avoir une réaction positive. Donc, les chercheurs nous apprennent que ceux qui sont capables de pardonner à leurs collègues de travail pour toutes les choses qui ne vont pas, là, on n'ira pas dans les détails, mènent à une productivité améliorée, à moins de jours manqués au travail, donc moins de congés de santé mentale, comme on appelle des fois. Je sais pas si t'as déjà pris un... En fait, tu le diras peut-être pas, là, mais une journée de santé mentale, c'est comme prendre une journée de maladie, mais qui est faite pour ta santé mentale. Exactement. Avant que tu lances ta tasse à café sur quelqu'un, maintenant. Et voilà, que t'as payé si cher, que t'as eu en promotion comme bonus. Oui. Bref, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Moins de journées manquées au travail, moins de maladies mentales, d'ailleurs de maladies physiques. Tout ça, et ces chercheurs croient qu'il y a des avantages qui sont dus à la réduction du stress interpersonnel, qui a des effets négatifs sur les gens. Donc, pardonner, même si c'est difficile à faire, est un bon outil quand on n'a pas le choix de travailler dans le même environnement que quelqu'un qui a fait quelque chose que vous n'aimiez pas envers vous. Ensuite, trois techniques pour vous aider à parler avec des étrangers. OK. Intéressant. Oui. Donc, parler à des étrangers, c'est une bonne façon de s'ouvrir les horizons un petit peu, d'apprendre quelque chose de nouveau, de se faire de nouveaux amis. Hier, c'était le camp de la Ligue d'improvisation universitaire. On a rencontré plein de monde, peut-être des gens qu'on va revoir dans le futur, donc ça a été une bonne occasion. Mais si les occasions ne se présentent pas naturellement, que vous n'avez pas un 5 à 7, peut-être, ou tu sais, donc si vous n'êtes pas quelqu'un de super over social, ça peut être un petit peu intimidant. Donc, quelques trucs pour commencer. Dans une vidéo de The Atlantic sur YouTube, le rédacteur senior James Hamblin parle avec Keo Stark, l'auteur de When Strangers Meet, qui est donc vraiment un livre qui parle de comment rencontrer les étrangers. C'est quand même assez spécifique. Pour commencer, on dit de dire bonjour à tout le monde que tu rencontres. Donc, tu fais le tour de ton pâté de maison. Bonjour! Bonjour! Bonjour! C'est pas obligé d'être un grand geste non plus avec un gros bonjour avec la main. Est-ce que tu es obligé de dire bonjour ou ça peut simplement être, par exemple, un sourire? Hocher de la tête. Ouais, c'est ça. Ouais, ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Moi, ça, c'est quelque chose que je fais. Moi aussi, je le fais. Puis pour vrai, t'as l'air un petit peu fou quand tu fais ça parce que les gens sont pas habitués. Les gens sont pas nécessairement très, très réceptifs. Mais en même temps, ça me dérange plus ou moins parce que j'y reverrai probablement jamais ces gens-là. J'ai jamais été très dérangé par ça. Mais j'avoue qu'il y a des gens qui sont intimidés par des bonjours. Hey, ça leur prend pas grand-chose. Ça dépend de la ville aussi. Oui. Il y a des villes un petit peu plus aptes à faire ça. En effet. Ensuite, on suggère d'utiliser la triangulation. OK. Donc, la triangulation, c'est le processus de parler de quelque chose dans un environnement où toi et l'autre personne êtes présents et sachez de quoi ça parle. OK? Oh, d'accord. Donc, par exemple, le livre qu'ils lisent, une personne dans la rue qui est en train de faire une performance de cirque ou je sais pas trop quoi, un beau coucher de soleil, ça peut être une belle chose. Tu fais juste parler un peu comme, entre guillemets, à toi-même. Oui, oui, oui. Genre, hey, wow, ce coucher de soleil-là, sérieux, je le prends en photo! Ah ben là, il y a des gens qui font ça. Des fois, je sais pas trop comment moi, faut que je réagisse. Moi, je trippe pas là-dessus, honnêtement. Moi non plus. Vraiment pas. Je pense que j'aime mieux le halo et le petit mouvement de tête. Tu sais, à la cafétéria, genre, le repas aujourd'hui, il a l'air vraiment, si, ça, c'est ça. Ouais, c'est comme, gaffe, je vais commander votre temps. Oui, c'est ça. J'aime pas ça. Oui, non, t'as raison, ça a pas l'air bon. OK, bye! Bye! Non, je fais le plus court possible quand quelqu'un me fait ça. Bon. Ensuite, numéro 3, vous rendre disponible. Donc, évidemment, et ça, moi, personnellement, pas tout le temps, Je ferais pas ça. C'est d'enlever vos écouteurs, de mettre votre téléphone dans votre poche et utiliser un langage corporel pour signaler que vous êtes ouvert à parler aux gens. Si vous êtes ouvert à parler, faites-le. Mais tu sais, mettons, là, j'ai vu un article là-dessus l'autre jour. Ah, un article, je sais pas si tu connais la. Là, on va divaguer un petit peu, dévier du sujet. Est-ce que tu connais les pick-up artists? Non. Les artistes du pick-up, c'est des artistes, c'est des gens, souvent des gars la plupart du temps, qui vont essayer de se pick-upper des filles. OK. C'est leur technique pour essayer d'améliorer leur technique de cruise, OK? Donc, ils vont pick-upper plein de filles, juste pour le fun, pour comme la technique de tu lances du spaghetti sur le mur ou tu lances jusqu'à temps que quelque chose colle, genre. Mais ça, c'est quoi cette technique-là? C'est quoi ils font exactement? Ils vont approcher des filles cold. À froid. OK, à froid, bing bang, au bar, mettons. OK, mais là, au bar, ça dépend. Au bar, ça va, parce que les gens sont là pour ça. Mettons dans l'autobus ou peu importe, le transport. Une fille toute seule qui mange à la cafétéria puis quelqu'un vient le voir. La fille n'est pas là pour ça. C'est comme un cold call, oui, c'est un cold. En pente. Il y a un nom plus précis que ça en français, mais oui, c'est un cold qu'on appelle. OK. OK. Mais ça, c'est pas tout le temps plaisant. Non. Tu sais comme pas tout le temps comment réagir. Et il y a des sites, non, je sais. Et il y a des sites pour pick-upper des filles. OK. Ça s'appelle les PUA. P-U-A. OK? Pour vrai, pick-up artist. Je sais. Okay. Je sais. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Oui, c'est ça. Il y avait un article qui est sorti il y a quelques semaines, 10 ans, et l'article s'appelait, mettons entre guillemets, comment pick-upper une fille qui porte des écouteurs. OK. Faut que tu te sois dessus. Et étrangement, l'article, c'était pas juste ne le faites pas. Ouais. Parce que si la fille porte des écouteurs, c'est qu'elle veut spécifiquement pas se faire pick-upper. En effet. Il y a de fortes chances. Mais c'est quoi ça te disait? Est-ce que tu te souviens? Non, je me rappelle pas. Tout ce que j'ai retenu, c'est l'article. Tu fais des grands signes, t'envoies des signaux de fumée, je sais pas. C'est probablement genre, tu sais, genre, fais un petit qu'est-ce signe dans tes écouteurs, c'est ça, qu'est-ce que t'écoutes? Ouais, c'est ça. Excuse-moi, est-ce que tu sais, sont où les salles de bain? Genre, donne des estalbanos. Ouais, donne des estalbanos. Ne faites pas ça. Je pense qu'il va falloir arrêter parce que le temps file. Oui, tout à fait. Ouais. Mais ça finit bien. Ce sont des pick-up artists, les pois. Bref, on prend une petite pause. Et puis au retour, sport et filoché avec Tania Baudin. Oh! Donde está el baño? Dios mío! Oh my God! Oh my God! Dios mío! La salle de bain, Tania, David Ferron qui est venu nous voir, qui a demandé si t'étais aussi propre que la salle de bain des filles. Ben oui, parce que bien évidemment, tout à l'heure, on parlait de l'insalubrité de la salle de bain des filles du pavillon de Néré-Beauchemin. Mais ça. Puis, Mathieu, je me souviens plus ce que t'as dit, mais David voulait tout simplement savoir s'il m'avait demandé si j'étais aussi sale que les salles de bain. Et la réponse est non! J'ai dit non. Par contre, elle aussi se lave seulement à l'eau. Comme c'est dans la nouvelle liste, oui, c'est ça. Laisse savoir. Bref, on sait même pas si c'est vrai. Là. C'est des présomptions d'innocence jusqu'à preuve du contraire. Parler de ma... Quand tu te... De mon hygiène. C'est ça. OK, merci. Dans quelques instants, la chronique sport est filochée avec Tania Baudin. Mais avant ça, une pièce que je joue parce que je sais que toi, tu l'aimes pas nécessairement, mais des fois, il faut varier le ton. Okay. Et là, c'est moi qui mets une chanson que moi, j'aime. Vas-y. Donc voici la pièce « Longtemps » par Mauve tout de suite. Oui. À Sondage Requis sur C'est fou 89.1. FM! Oh, oui. Le retour de Mauve avec la pièce Longtemps à Assemblage Requis. Moi, j'adore ce groupe-là. Je trouve ça super rétro. Ouais, ok. Je suis d'accord, Mathieu, c'était bon. Hipster un petit peu. Bon, tu vois, j'ai réussi à convaincre Tania. C'était ma mission. Oui. Maintenant, on a décidé d'aller sur le terrain pour faire entendre la construction dehors. Je ne sais pas si vous entendez, ça, c'est le chalumeau. Le chalumeau? Oui. De ben, Tulum? C'est vraiment un chalumeau. En fait, on est en train d'essayer de chauffer la nouvelle toiture. Donc, on fait la bordure du toit présentement. Évidemment, on vous tient au courant du toit du Nérébeauchemin. Oui, oui, tout à fait. Le pavillon de la vie étudiante de l'UQTR. On est là pour les étudiants. C'est notre mission sur le terrain. Là, vous entendez vraiment les flammes. En fait, on a vraiment l'impression que c'est à côté. Oui, oui. Le micro est directement à l'extérieur du studio en ce moment. On a envoyé notre reporter. David Ferron. Oui, c'est ça. Il sert à tout ces temps-ci. On est avec de leur poser des questions, mais on sent déjà qu'on pourrait les entendre parler. Fait qu'on n'est pas trop certain. Tu vois, je me demande, ils nous regardent beaucoup depuis le début. C'est sûr que là, présentement, ils nous entendent pas à cause du chalumeau qui fait du bruit. Là. Oh, oui, hein. Moi, j'ai comme l'impression qu'ils pourraient nous faire passer au feu avec cette espèce de gros chalumeau-là à un certain point. Est-ce que tu penses qu'il va l'arrêter, non? Parce que même qu'il l'arrête plus tard dans l'émission, peut-être qu'il va nous entendre parler à travers la fenêtre et il va peut-être pouvoir nous faire un petit genre... Peut-être. Parce que, tu sais, on l'a dit tantôt, aborder les étrangers. C'est ça, c'est comme ça qu'on se fait des nouveaux amis. Ça commence par un bonjour. Voilà. Voilà. Maintenant qu'on a su ce qui se passait à l'extérieur du studio, allons voir à l'extérieur de la bâtisse pour aller dehors, pour faire un petit peu de sport. Donc voici Sport et Filoché! En fait, c'est quelque chose qui va revenir presque à chaque semaine. Ça fait trois mardis qu'on le fait, je pense. C'est ça, ça fait déjà trois mardis. Là, il faut comprendre que pour la plupart des sports universitaires, on est simplement en session de préparation. Donc, on a plusieurs épreuves qui sont simplement préparatoires. Mais du moment où que le calendrier va se mettre en branle et que ça va être pas mal plus fréquent, bien, peut-être que ça va être deux fois par semaine. On va devoir voir selon l'horaire... De la radio. C'est une petite chronique qui se faufile bien ailleurs, là, des petits 15 minutes de sport comme ça. On aime ça. Oui, en effet. Et comme on est à Trois-Rivières, on s'est dit aussi qu'on allait bien évidemment suivre le sport universitaire, mais aussi les sports locaux. Alors, tout au long de la saison d'Assemblage Requis, vous allez pouvoir aussi entendre parler, par exemple, du hockey local de Trois-Rivières, de la Ligue nord-américaine, c'est-à-dire le Blizzard. Vous allez aussi pouvoir parler peut-être du sport du cégep, donc les Diablos de Trois-Rivières, parce que c'est pas nécessairement un sport aussi qu'on entend souvent à la radio. Et bien souvent, une des bonnes sources pour avoir des nouvelles quant au monde du sport à Trois-Rivières, c'est bien évidemment le Nouvelliste. Oui. Et un des articles de Vincent Gauthier qui est sorti ce matin, qui nous fait un petit rappel sur ce qui s'était passé l'année dernière à Trois-Rivières. On avait essayé le football à l'UQTR, on avait déposé un projet, ça avait été refusé. Eh bien là, ce matin... si vous allez voir le Nouvelliste, vous allez voir un article de Vincent Gauthier qui explique qu'on essaie un deuxième essai pour le football de l'UQTR. Alors, près d'un an après avoir vu l'idée être balayée du revers de la main, là, vraiment du côté du football, eh bien, le projet d'une équipe de football à l'Université du Québec à Trois-Rivières obtiendra une seconde chance à la table du conseil d'administration. Encore une fois, ce sont les coûts d'opération d'un tel programme qui se retrouveront au cœur du débat, bien évidemment, en cette période de restructuration financière à l'UQTR. On le sait, on en entend encore beaucoup parler dans les médias. Donc, lundi après-midi, lors d'une séance ordinaire, le recteur Daniel McMahon, le nouvel homme de la situation ici à l'UQTR, a ramené le sujet à l'ordre du jour afin d'exposer aux membres du conseil d'administration le fruit de ses plus récentes rencontres avec l'équipe de promoteurs du retour du football à l'UQTR. Donc, il n'hésite pas à qualifier de prématuré et incomplet le projet qui avait été présenté en 2015, donc avant son arrivée en poste ici à l'UQTR, mais le recteur affirme toutefois que le dossier chemine positivement depuis quelques mois. Alors, on voit un petit peu de vouloir, là. Est-ce que tu es en train de dire que le dossier est en train de faire son chemin de McMahon? Oh! Ça serait-tu pas merveilleux? C'est pas pire. On dit aussi qu'une décision pourrait peut-être être remise avant le 31 octobre, donc à la lumière de ces discussions-là, tout porte à croire que les promoteurs ont eu droit à une oreille attentive du recteur, puisque leur projet de faire reconnaître et renaître le football à l'UQTR devrait être soumis à un nouveau vote cet automne. Donc, la prochaine séance du conseil d'administration est prévue le 31 octobre. Et d'ici là, les deux parties vont travailler vraiment d'arrache-pied ensemble afin de peaufiner un projet qui pourrait satisfaire les membres du conseil. Est-ce qu'ils vont se déguiser le 31 octobre, c'est ça qu'on veut savoir? Ça serait malade, hein? On parle aussi de financement privé. En fait, le 26 novembre dernier, les membres du conseil d'administration avaient rejeté en bloc la proposition pour aller de l'avant avec le projet de quelques 35 hommes d'affaires. Donc, à l'époque, les nombreuses compressions budgétaires ainsi que la présence d'un recteur par intérim avaient vraiment influencé la réponse négative du projet. Mais l'absence de garantie que le projet allait se faire à un coût nul à court, moyen et long terme avait aussi joué contre le retour d'une équipe de football. Alors, encore une fois, on va travailler sur ce volet-là pour pouvoir vraiment compléter un dossier rempli et mettre ça dans les mains du conseil pour la prochaine rencontre. Voilà. Un petit peu de ballon-pied, là. Oui, tout à fait. Ouais. Du côté du Blizzard de Trois-Rivières, eh bien, on le sait, il y a eu quelques camps d'entraînement, des pratiques d'avant-match et il va y avoir des matchs préparatoires qui vont s'amener. Mais encore une fois, du côté du nouvelliste, Nicolas Ducharme nous parle de l'équipe de Trois-Rivières et c'est pourquoi le Blizzard de Trois-Rivières a précédé à une transaction jeudi dernier avec Rivière-du-Loup. Alors, on aurait Nicolas Parr et Sébastien Piché qui deviendraient des membres de l'équipe trifluvienne. Donc, en retour, le club trifluvien a cédé des choix de deuxième ronde en 2017 et 2018, ainsi que des considérations futures. Donc, le directeur général de la formation trifluvienne, Bob Desjardins, connaît bien l'attaquant de 6 pieds parce qu'il a évolué sous ses ordres avec les River Kings de Cornwall. On sait et on se rappelle, les deux dernières semaines, j'ai déjà mentionné que les River Kings de Cornwall ne sont plus un club qui va être parmi l'alignement cette année pour la Ligue nord-américaine de hockey. Alors, on a pu avoir cette fameuse acquisition-là sur certains joueurs du côté du Blizzard de Trois-Rivières. Et par ailleurs, c'est un joueur que Bob Desjardins voit dans le top 6 de l'équipe cette saison. Il y a de bonnes affinités avec David Croteau, un autre joueur de l'équipe. Et il est certain qu'il va connaître une bonne saison avec le club. Alors, Piché ne devrait pas avoir d'action à Trois-Rivières puisqu'il est présentement, il évolue du côté de l'Europe. On devrait le voir arriver un petit peu plus tard en saison. Mais par ailleurs, Rivière-du-Loup pourrait éventuellement revenir avec l'organisation et Piché, puisque l'organisation en a fait demander au Blizzard d'héberger le joueur sur la liste de protection de l'équipe. Ah. Alors, c'est pas tout à fait conclu comme entente, mais pour les pourparlers, ça serait que Nicolas Parr vienne se joindre à notre équipe, ainsi que Sébastien Piché. Ça s'annonce bien, alors que pour d'autres, considérations futures fait toujours peur un peu. Est-ce que ça va être le prochain à être échangé parce que c'est ce qu'ils considèrent dans le futur? Quand même. C'est quoi le nom de l'équipe? Les River Kings de quoi? C'était les River Kings de Cornwall. Les Rois des Rivières de Meudemès. Oui, c'est tout à fait bizarre ça. Comme Mathieu, nom. T'as bien raison. C'est un peu bizarre. C'est ça. C'est ça. Du côté du sport universitaire, eh bien, il y avait du soccer à Montréal cette fin de semaine, c'est-à-dire victoire du soccer masculin pour les Patriotes de l'UQTR contre les Stingers de Concordia. Un but du vétéran et capitaine Louis-Thomas Fortier et de la recrue Bilal Xier. On se rappelle, j'avais déjà parlé de Bilal Xier qui était assez impressionnant, merci, sur le terrain. Alors, on sent que ça va être un joueur qui pourrait amener beaucoup de force à l'équipe cette saison. On le sait aussi, l'année dernière, on avait fini une saison très, très forte du côté des Patriotes de l'UQTR au soccer. C'est quelque chose qu'on aimerait revoir aussi cette année. Alors, on sent encore une fois qu'on met tout ça en forme pour la saison régulière qui devrait débuter. Du côté du soccer féminin, eh bien, malheureusement, une autre défaite des Patriotes face au Concordia de Stinger par la marque de 3-1. Un but qui avait été marqué par Catherine Saint-Jean de l'équipe de Trois-Rivières. Et là, encore une fois, ça fait quelques défaites qu'on a en match préparatoire en saison. On sent qu'on a du travail à faire beaucoup plus du côté des filles que du côté des gars. J'ai hâte de voir si ça va se faire un petit peu, peut-être un petit peu plus fort. Je me souviens que le premier match de la saison ici à Trois-Rivières, on avait pu remarquer cette fameuse... Je veux pas dire lâcheté là aucunement, c'est vraiment pas une lâcheté, mais peut-être un manque de connaissance des joueuses parce qu'il y a beaucoup de nouvelles joueurs du côté de l'équipe des Patriotes soccer féminin. Alors de ce côté-là, peut-être qu'on pourrait tisser des liens pour avoir une équipe un petit peu plus forte. Ouais. L'équipe de cross country des Patriotes de l'UQTR a fait une bonne performance à la course de McGill Athletic and Recreation qui concernait davantage les recrues de l'équipe. Donc les filles ont terminé au 5e rang des universités québécoises. Il y a 5 des Patriotes qui se sont faufilés dans le premier tiers des coureurs. Entre autres, Émilie Alain et Yann Schenk ont été les plus rapides de l'équipe des Patriotes. Le vrai challenge va commencer ce week-end prochain à Sherbrooke pour l'équipe de Trois-Rivières. Alors, on va suivre ça de près. Et du côté du hockey, on le sait, on n'a pas trop de nouvelles de ce côté-là. Les Patriotes de l'UQTR sont en match préparatoire, eux aussi. Malheureusement, première défaite de 4-3 lors de ce match préparatoire qui était face à l'Université d'Ottawa. Lefebvre, 3e étoile de la rencontre avec un but et une aide. Et le prochain rendez-vous, eh bien, c'est demain. Prenez note, demain au Colisée de Trois-Rivières dès 19h. Et bien évidemment, qui qu'on va recevoir en match préparatoire? Nul autre que les Redmen de McGill. Toujours. Toujours. C'est le combat, toujours du siècle. C'est un combat du siècle, vraiment. C'est tout le temps eux qu'il faut réussir à battre. Alors, le prochain match préparatoire, demain, 19h, au Colisée de Trois-Rivières. Et quand on parle de demain, on parle du 21 septembre. Donc, oui. C'est un mercredi, parce que des fois, tout à fait. Peut-être que vous écoutez justement demain, ça, qui est dans le fond aujourd'hui pour vous, mais qui est comme hier pour ceux qui sont après-demain. En tout cas, oui. C'est bien là. T'as bien raison. Ouais. Et quelque chose qu'on voit souvent du côté des Patriotes de l'UQTR, c'est les Patriotes de la semaine. Oui. Qui sont-ils cette semaine? Eh bien, c'est Émilie Alain de l'équipe de cross-country et Louis-Thomas Fortier de l'équipe de soccer. Donc, le week-end dernier, la formation de cross-country, comme je le disais, participait au McGill Athletic and Recreation Open qui se déroulait à Montréal sur le Mont-Royal. À l'occasion de sa première compétition dans l'uniforme des Pats, la recrue Émilie Alain s'est particulièrement démarquée en terminant dans le premier et très relevé tiers des compétiteurs. Donc, son excellente gestion de course et sa détermination ont causé une belle surprise au sein du personnel d'entraîneur, bien évidemment. Et parmi les faits saillants, notons aussi le sprint final de l'étudiante au baccalauréat en kinésiologie qui lui aurait permis de dépasser plusieurs compétiteurs à l'intérieur des derniers 50 mètres de la compétition. Et en nomination, Catherine Saint-Jean en soccer féminin était là aussi. Et du côté de la formation de soccer masculin dirigée par Roch Goyette, eh bien, on connaît un excellent début de saison avec 2 victoires et 2 matchs nuls, ce qui lui vaut le premier rang présentement universitaire le circuit du RSEQ. Et ce départ est vraiment d'autant plus spectaculaire lorsqu'on considère que sur ces 4 rencontres, 2 ont eu lieu face aux meilleures équipes du circuit, soit le Rouge et Or de Laval et les Citadins de l'Université de Montréal. Donc, présentement, ça se passe super bien du côté de l'équipe masculine de soccer pour les Patriotes. Et sur le plan individuel, bien, les performances de l'arrière, le joueur arrière Louis-Thomas Fortier, retiennent vraiment particulièrement l'attention des gens ici à l'UQTR. En plus d'être une pièce maîtresse de la défensive des Patriotes, le vétéran offre du jeu soutenu en zone offensive. C'est un des gars que j'ai vu un petit peu partout sur le terrain en même temps. C'est vraiment, il se dévoue corps et âme à l'équipe. Oh. Et lors de la dernière rencontre, eh bien, le numéro 2 a mérité le titre de joueur le plus utile à son équipe. Il a inscrit le but gagnant sur un jeu de tête plutôt exceptionnel. Et en nomination, eh bien, on voyait aussi la recrue Bilal Xier, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui compte, entre autres, depuis le début de la saison, 3 buts en 4 rencontres. Mais là, à la fin de la saison, ça va nous faire un bilan de Bilal? Bilal, on va essayer ça. Si vous vous souvenez aussi, rapidement, en terminant, il y a Guillaume Masselin des Patriotes de l'UQTR qui s'est déplacé du côté du camp des recrues du Canadien de Montréal. J'en ai discuté un petit peu la semaine dernière. Eh bien là, présentement, on a su pourquoi il était là, en fait. Guillaume Masselin a été invité au camp des recrues du Canadien à la dernière minute en raison du retrait du Slovaque Martin Rowey. Mon Slovaque n'est pas super à point, alors je suis désolée. Mais Guillaume Masselin a quand même eu une agréable surprise à son arrivée au Budweiser Garden pour l'entraînement matinal des Espoirs du Canadien samedi. L'athlète de 24 ans a été informé qu'il endosserait l'uniforme du Canadien pour le match en soirée contre les Maple Leafs de Toronto à l'occasion du tournoi des recrues. Donc, il est arrivé à l'aréna. Il a vu que son nom apparaissait sur la liste des rencontres. Il dit « C'est un petit peu dur de décrire comment je me sentais. » C'était vraiment comme une grosse boule d'émotion en même temps. C'est une belle récompense pour l'attaquant des Patriotes de l'UQTR pendant qu'il a été invité au camp des recrues du Canadien à la dernière minute, comme je le disais, en retrait du Slovaque. Et Asselin a reçu l'appel quand même un petit peu sur le fly, comme ça. Il était en cours de comptabilité quand il a vu le téléphone. Il dit, bon, faut que je sorte, faut que je prenne cet appel-là, ça pourrait changer beaucoup de choses. Ne savez-vous pas qui je suis? J'ai le droit de répondre au téléphone. Exactement. Je suis Guillaume Asselin. Donc, on parle ici du meilleur joueur universitaire au Canada la saison dernière. Ils ont dit que c'était une bonne option pour les aider durant le camp. C'est ce qu'ils ont dit à Guillaume et j'ai bien hâte de voir où tout ça va mener parce que Guillaume Asselin, c'est un joueur, comme je le disais à plusieurs reprises, qu'on peut voir un petit peu partout sur la glace, mais tout en créant d'excellentes options de jeu. Et c'est un petit peu pourquoi on l'a envoyé là-bas aussi, c'est que c'est un excellent joueur. Alors, est-ce qu'il va revenir pour la saison? Yeah! On ne sait pas encore. J'ai bien hâte de voir comment ça va se passer de son côté. Absolument. Voilà. Perds pas la voix, Tania. Non, hein, t'as remarqué. S'il te plaît. Merci pour ta chronique sport effilochée. Ça fait plaisir. On va parler de sport comme ça tous les mardis pour l'instant. On va aussi en parler dans la chronique Zone Campus un tout petit peu tout à l'heure avec David Ferron qui s'en vient à 9h. Oui. Tiens, ben justement, on arrive à la fin du thème de fond. Donc, allons-y avec une chanson, Heaven for Real et Kill Your Memory. Ah, sur Blanche Rookie. Picked up the paper glass, griffles you drink in half. After you clean that, you're back trapped in the ruse. You've got a patient talking tone, now you're sizing up the room. There's Kyle, he was your best friend, you knew he'd be here again. Hello high school lover flame, bad news, there's nothing there. Here's an ancient photograph, you signed it when you didn't care. All of those pieces, they might impersonate me. I know you're different, maybe better than the mystery. Oh, I've seen it before, and I see it all. I see it all, the time and every day and each night. There's so much you change and grow. Popping out from behind your mind. I wish I was staying. Not there to mention. No, I was leaving on my way out. And as they say now, I will phone you later. Heaven for Real avec Kill Your Memory à Assemblage Rookie. Au retour de la pause, c'est pas fini avec Tania. Hein? Oh non! Oh non, Tania's got to entertain you. Assemblage Rookie. Vous êtes assez pour l'écouter. Pour l'écouter. Pour l'écouter. Pour l'écouter. À Assemblage Requis en ce mardi 20 septembre 2016 à Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Eh oui, j'aime ça quand tu te présentes comme ça avec de l'entrée. No boy, c'est fun. Tantôt, on a fait Sparry Filoché. T'as fait Sparry Filoché. On a mis tes deux chroniques une après l'autre. Ça fait bizarre un peu. C'est vrai. Mais on reste avec toi. C'est comme ça. Ben oui. C'est toujours si vous plus. Êtes pas tanné encore. C'est toujours plus de toi, c'est toujours mieux que toujours plus de moi. Hein? Oh. On se comprend. Boy. Ça se voulait comme un compliment. Compliment ainsi qu'une insulte envers moi-même. donc voici Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna entertain you. Salut Tania. Bon matin. Oui, maintenant on est revenu à notre formule quotidienne, donc on la chante au complet une seule fois. Oui, voilà. Le mardi c'est fini, on la chante juste à la moitié. Mais on le précise à chaque fois. Ben oui. Donc aujourd'hui, je me rappelle déjà plus comme toujours de quoi est-ce qu'on parle. Mais j'ai décidé de parler de monarchie royale un petit peu. Vous allez bien comprendre. C'est parce que j'ai fait la découverte d'une nouvelle série télévisée qui passe simplement en Europe pour le moment. Donc entièrement en anglais. Mais je voulais vous la présenter. Mais je me suis dit pourquoi pas vous présenter la personne qui, à la base, a inspiré télésérie. Donc j'ai tout simplement décidé de vous présenter la reine Victoria. Eh ben, Caroline, hein? Canada. Hein? Ben, exactement, parce que pour certains, peut-être que vous ne savez pas, mais la reine Victoria, qui était à l'époque en Grande-Bretagne, a été la reine du Canada. Mm-hmm. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vous expliquer qu'est-ce qu'elle a fait pour ensuite vous parler de la télésérie. Voilà. C'est tellement libéral. J'avais du temps à remplir. Hier, elle a travaillé sur des pubs genre de jusqu'à 11h30, minuit, je sais pas quoi. Et voilà. Mais en plus, t'as fait ça. En plus, j'ai fait ça. Sport réfléchi. T'es fort. J'étais en feu hier soir. Combien merci de café? Au vin. Au vin? Oui. Aussi le café sur l'heure du midi. Oui, le café sur l'heure du midi pendant toute la journée, mais hier soir, quand je suis arrivée chez moi, là, ça a été le vin. Elle, non. Je suis tombée productive, mon gars. Donne des estelles, Bagno. Et voilà. Donc, Victoria, qui est née sous le nom de Alexandrina Victoria. C'est un beau nom, Alexandrina. Oui, hein, oui. C'est super beau. Elle est née le 24 mai 1819 au palais de Kensington, à Londres, directement. Et elle est morte le 22 janvier 1901. C'est quand même long, là, ça, on s'entend. Elle a été reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du 20 juin 1837 jusqu'à sa mort. Donc, c'est vraiment un des plus longs règnes qui a été. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous en parler. Mais à partir du 1er juillet 1867, elle a également été la reine du Canada. Et c'est un petit peu là où je voulais amener la monarchie royale. C'est parce que je trouvais ça quand même le fun de voir la comparaison aussi avec nous. Et elle a été aussi impératrice des Indes à compter du 1er mai 1876 et reine d'Australie. Hey petit boy, hein? CV. Ben oui. Juste un petit CV comme ça. Je pense ça. Qu'elle a enlevé genre « Je connais Office » oui, c'est de sur son CV. Je connais Word. J'écris à la plume. Donc, Victoria était la fille du prince Édouard Auguste de Kent et de Stratern, le quatrième fils du roi George III, qui lui aussi, à ce temps-là, avait un des plus longs règnes comme roi. Et c'est vraiment elle qui a réussi à le détrôner avec son règne de X années. Je pense que c'est 63 ans. Girl Vous power. Allez voir tout à l'heure. Donc, le duc et le roi ont tous les deux décédé vers les années 1820. Et Victoria a été élevée par sa mère d'origine allemande, la princesse Victoria de Saxe-Coburg. Bursafeld. Oh, l'accent, toi, ce matin, bravo. Donc, elle a monté sur le trône à l'âge de 18 ans seulement après la mort de sans héritier légitime des trois frères aînés de son père. Oui. C'est quand même quelque chose. Drôle d'adon, hein? Drôle d'adon, puis 18 ans, tu penses pas nécessairement à devenir reine d'un grand pays comme ça, là? C'est un accident d'avion? Maman, too soon. C'était pas. Too soon pour ça, pour les ouais, c'est. Ouais. Fallait pas. En tout cas. Mathieu puis les jokes poches. Oh, Donc, le Royaume-Uni était déjà à cette époque-là une monarchie constitutionnelle établie dans laquelle le souverain avait relativement peu de pouvoir politique. Ah. Mais en privé, Victoria a quand même essayé d'influencer les politiques gouvernementales et les nominations ministérielles. Donc, on le sent déjà, parce que je voulais faire aussi la comparaison avec, bien évidemment, la télésérie. C'est une télésérie qui a été basée, à la base, sur le journal intime de Victoria. Ah, bonne idée. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont inscrites dans le journal intime de Victoria qui a été inspiré pour l'émission. Et c'est là qu'on voit justement que, par exemple, en public, elle est devenue une icône nationale, qu'elle a été assimilée aux normes strictes de la morale de l'époque, parce que c'est pas nécessairement ce qu'elle voulait, mais elle avait pas le choix. Et ça, c'est ce qu'on voyait, bien évidemment, tout le temps lorsque les gens devenaient reines ou rois là-bas. C'est qu'on avait des choses qui étaient, bien évidemment... obligatoire, qu'on pouvait pas nécessairement faire à sa tête. Mais si jamais vous décidez à regarder cette fameuse télésérie-là, vous allez voir que ça a quand même pris du temps avant qu'elle décide à se convertir à tout ce qu'elle devait se convertir. On voyait que c'était déjà à la base, malgré le fait qu'elle avait un jeune âge qui était de 18 ans, que c'était une femme forte et qu'elle aimait beaucoup le fait qu'elle était une femme libre et seule. C'est bon. Elle voulait pas nécessairement devenir une reine mariée. Oui. Alors de ce côté-là, c'est le fun parce qu'on voit que comme... on peut être féministe même si on est reine. Voilà. Absolument. Donc, Victoria a épousé son cousin parce que c'est quelque chose qui se faisait quand même assez couramment dans ce temps-là. Ça se fait encore, mais juste dans certaines régions. Genre... le lac Saint-Jean. Oh, hey! Non. J'avais gardé ça subtil. Ouais, c'est évidemment, vrai. Évidemment. Moi, j'aime ça savoir qu'est-ce qui se passe. C'est ça. Pas de subtilité. Pas de subtilité. Premier degré. Vous me direz comment votre cousine va. Voilà. Donc, elle a épousé son cousin, le prince Albert de Saxe-Cobourg-Gotha, en 1840. Donc, si vous comprenez, là, elle a tombé... reine vers les années 1820-1830, tout de suite après la mort de son oncle. Donc, une couple d'années après ça, elle a décidé de se marier. Ça a quand même pris du temps. Leurs 9 enfants ont épousé des membres de nombreuses familles royales et nobles. C'était un petit peu ce que ça prenait aussi dans le temps. Hein. On ne pouvait pas nécessairement se marier à n'importe qui. Ça devait être quelqu'un qui était noble, qui était d'une famille... D'où les cousins, j'imagine que c'était pour ça. Est-ce que tu penses que ses enfants étaient aussi ses cousins? De la fesse droite ou je sais pas quoi. Ben, c'était les siens, donc en théorie, il était pas ses cousins. Ouais, mais si, mettons, elle l'a fait avec son frère, mettons. C'est aussi c'est ses son neveux. Cousin, c'est son cousin. Ouais. C'est donc petit cousin, non? Ouais, c'est. Ouais. Non? Ben oui. Je me trompe? Ouais, ben c'est ça. Mais non, mais. C'est propre, en fait, c'est propre. Ouais, c'est ça. On se comprend. On se comprend. L'inceste. C'est ça. Donc, ça a valu à Victoria le surnom quand même de grand-mère de l'Europe parce qu'elle avait mis au monde plusieurs enfants, mais qui s'étaient mariés par la suite à plusieurs autres enfants qui étaient déjà très nobles et très, très quand même... haut dans la monarchie. Est-ce que ça s'additionne ou se multiplie quand t'es noble et que tu te maries quelqu'un de noble mais encore plus noble que toi? Est-ce que ça devient comme exponentiellement noble? Je sais pas, hein? Oh. Faudrait poser la question à Google. C'est probablement. Donc, malheureusement, son mari est décédé avant elle en 1861 et Victoria a sombré dans une profonde tristesse. Oh. Et elle s'est quand même retirée de la vie publique. Par contre, en conséquence de ce retrait, le républicanisme a gagné temporairement en influence. C'est à cause de elle qu'on a Trump. Ah! Oh! Ouais, non. Moses. Ouais. Excuse-moi. Donc, sa popularité a quand même remonté dans les dernières années de son règne grâce à ses jubilés d'or, de diamants et ce qui donnait quand même lieu à de grandes célébrations publiques en Europe, en Grande-Bretagne. Et voilà. Donc, son règne a duré 63 ans. Wow! Ouais. C'est... Hein? C'était pas l'espérance de vie à l'époque, en fait. C'est quasiment c'est long, ça. Là. Mais elle a commencé à 18 ans, donc si tu calcules ça... Hein? Faudrait avoir du calcul rapide pour ne pas se stock, hein, je pense. 81 ans. Ben oui, j'allais le dire. Boum! Ben oui. Tu sais, c'est pas si pire, mais quand même, dans ce temps-là, c'était... C'est vieux. C'est vieux, c'est vieux. Bon, on sentait qu'elle était jeune et en forme, voilà. Oui, puis à la fin, peut-être moins. Oui. Puis c'est un peu. Ouais. Tout à l'heure, on se demandait exactement l'année où elle est tombée reine. Eh bien, elle a fêté ses 18 ans le 24 mai 1837. Elle s'est mariée en 1840, donc si vous calculez, ça fait approximativement 3 ans de règne sans être nécessairement mariée. Ouais. Ce qui lui a permis vraiment de régner seule à cet âge-là. Et l'épouvantail d'une régence politiquement toujours instable, ça se dissipait petit à petit. Alors, on a pu quand même rester là de façon... seul et féministe. Ah. Voilà. Le roi Guillaume IV est décédé à l'âge de 71 ans et c'est Victoria qui est devenue la reine du Royaume-Uni simplement un mois plus tard. Moi, je pensais que ça aurait dû être genre le lendemain directement. Ouais. Qui a fait la job? Qui a fait le job le pendant... Le futur roi, voyons. Peut-être. Dans son journal, la jeune reine a écrit qu'elle a été réveillée à 6h pile par sa mère qui... AM ou PM? C'est important. AM. Okay, cool. AM. Mais oui, voyons, 6h pile le matin, okay. Elle a été réveillée. Des siestes des fois, hein, OK, ouais. Bon, qui lui a dit que l'archevêque Lord Cunningham était là et qu'il devait... tout simplement aller la voir le plus rapidement possible. Elle est sortie du lit, elle s'est rendue dans son salon, elle portait simplement sa robe de chambre, ouais. Son pyjama, elle était seule et là, elle les a vus. Elle a vu Lord Cunningham qui lui a informé que son oncle, le roi, n'était plus et avait expiré à 2h12 le matin et que par conséquent, à l'âge de 18 ans, elle était reine. Qu'est-ce qu'elle a fait après ça? C'est malade! J'aimerais ça savoir, j'aurais aimé ça quoi qu'il filme ça. Ben, elle a sûrement été sautée un peu partout dans le palais, là, je sais pas. Elle a été sautée un petit peu partout dans le palais. Ils ont béni chaque pièce en... Non, elle était seule, non, mais sur le lit, là, je sais pas, tu sais, comme elle devait gambader dans le palais, là. Voilà, je sais pas. Les documents officiels qui ont été préparés le premier jour de son règne la nommaient Alexandrina Victoria, mais le premier prénom a été retiré à sa demande à elle. Ouais, ils choisissent, je pense, leur nom. Oui, exactement. Reine, et ça a vraiment été plus utilisé simplement par Victoria. Alors, on a pu le voir dès ce moment-là que le Royaume-Uni était quand même en union personnelle avec l'Allemagne que d'après la loi salique, les femmes étaient exclues de la succession au trône hanovrien. Alors, c'était vraiment quand même assez, comment je pourrais dire, controversant. Ça dit-tu controversé? Je sais pas, c'était controversé. Ça menait de la controverse. Ouais, voilà. Hanovrien, c'est pas l'anneau que tu mets dans le vagin. Excuse-moi. Ah, je sais pas. Comment? Excuse-moi, j'ai été. Non, ça, c'est un anovula. Ah, excuse-moi. C'est pas la même chose. Voilà. Donc. Terme médical, j'ai le droit. Ah oui, c'est ça, hein. C'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis. Donc, tout à l'heure, je parlais de la reine du Canada. Oui. Parce qu'elle est devenue reine du Canada un petit peu plus tard pendant son règne. Mais aujourd'hui, en fait, la fête de la reine, c'est à cause de la reine Victoria. C'est pas nécessairement à cause de la reine Elisabeth, là. Non, c'est ça. Et c'est pas aujourd'hui comme dans aujourd'hui. Si vous fêtez la fête du Canada aujourd'hui, vous êtes un petit peu comme pas à bonne date. Ouais, mettons. Ouais. Parce que ça se célèbre le 25 mai de chaque année. Hein? Donc, hein? Mais on peut appeler la fête de Victoria, pas du Canada, excuse-moi. Oui, c'est vrai. À certains endroits au Canada, on peut entendre que c'est justement la fête de Victoria. Ils vont appeler ça la fête Victoria au lieu de la fête de la reine. Ouais. C'est un jour férié canadien, comme plusieurs le savent, qui est célébré chaque année le lundi précédent, le 25 mai, donc en l'honneur de la reine Victoria. C'est également ce jour-là qu'est célébré l'anniversaire officiel du monarque du Canada. Donc, la fête de la reine est aussi considéré comme étant le début de la saison d'été au Canada. Ah, cool, ben. Donc, si vous vous demandez c'est quand, ben c'est fête là. Fête de la reine, fête c'est, de Victoria. C'est la fête de la reine. Grâce à Vicky. Oui, c'est ça. Et c'est Chips, Miss Vicky. Ah, oh, Miss Vicky, c'est elle. Non. La fête existait, par contre, avant la création de la Confédération canadienne. C'était célébré à l'origine le vrai jour de l'anniversaire de la reine, donc le 24 mai. Et pendant que les monarques suivaient et célébraient leur anniversaire au jour exact, un anniversaire officiel au mois de juin, eh bien, la fête de Victoria s'est maintenue au Canada pendant tout ce temps-là. Et il s'agit d'un jour quand même chômé, reconnu par le gouvernement fédéral, ouais, ainsi que par 6 provinces des 3 territoires. C'est le fait que ce soit un lundi, parce que sinon, ça aurait pu tomber une fin de semaine, t'aurais pas eu le congé. Là, c'est le lundi précédent, le 25 mai. C'est oui, ça? C'est vrai. Comment ça s'est passé un petit peu, cette fameuse fête du Canada, cette fameuse fête de la reine-là? Eh bien, la première loi fixant le 24 mai comme étant la journée de célébration de l'anniversaire de la reine Victoria a été votée en 1845 par l'Assemblée législative de la province du Canada. C'est cette année-là que 5000 résidents du Canada Ouest se sont réunis à Toronto pour célébrer la reine. Donc, après le décès de Victoria en 1901, le 24 mai est devenu la fête de Victoria, une journée à la mémoire de la reine. Puis en 1904, 4 par décret le l'Empire Day à travers l'Empire britannique. Le successeur de Victoria, Édouard VI, ça c'est son fils, a fixé son anniversaire officiel au mois de juin, durant lequel les conditions climatiques sont pas mal meilleures que le jour de son anniversaire réel. Donc, merci à lui. Ouais. Et les rois suivants ont célébré l'anniversaire à sa vraie date et également au mois de juin. Donc, on avait comme à un certain moment deux dates pour fêter la fête de la reine. Et le Canada souligne aussi l'anniversaire du monarque. Ah oui? Oui. Quand ça s'écrit? Si je me souviens bien, il célèbre toutefois la fête de Victoria le 24 mai et le lundi précédent. Ah. C'est la fête du monarque. Mais pas férié. Pas férié, ouais. Voilà. C'est chacun c'est son c'est ça qui arrive. Oui, ben que veux-tu que je te dise? On peut pas tout avoir. Ben là, calme-toi. C'est ça. Eddie? Donc, je me demandais quel était vraiment l'héritage dans la culture populaire de Victoria. Et du fait, c'est la longévité, oui, et le développement de l'Empire britannique qui en a pris vraiment un coup sur le côté populaire, sur le côté de la culture populaire. Il y a un très grand nombre de lieux et de bâtiments qui ont été nommés en l'honneur de la reine Victoria, essentiellement dans le Commonwealth of Nations, en Grande-Bretagne. Et on peut, par exemple, citer la capitale des Seychelles, le plus grand lac d'Afrique, les chutes Victoria, les capitales de la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et les États australiens du Victoria du Queensland sont tous, à quelque part, une culture populaire de la reine Victoria. Ah. Et la croix de Victoria a été créée en 1856 pour récompenser les actes de bravoure pendant la guerre de Crimée. Et elle est restée la plus haute distinction militaire britannique, canadienne, australienne et néo-zélandaise par rapport à la reine Victoria. Donc, la fête de la reine, encore aujourd'hui, est un jour férié qui rentre dans les cultures populaires qui ont suivi à la suite de la reine Victoria. Et c'est, comme je le disais, célébré chaque 25 mai. C'est pour tout simplement souligner la date de naissance de la reine. As-tu parlé du pont Victoria aussi? Ah non! Non. 12 décembre 1859, le pont fut ouvert à la circulation des trains et inauguré par le prince de Galles au nom de la reine Victoria. Ah, mon Dieu, le voilà. Le 26 août 1860, c'est le pont qui relie Saint-Lambert à Montréal, arrondissement sud-ouest. Tu vois? Ouais. Un autre. Ouais. Je parlais de la télésérie parce que c'est là c'est que ça m'a amené. C'est une télésérie de la chaîne ITV. Donc, Mathieu, tu m'en as un petit peu plus appris sur ITV. Réseau britannique, compétiteur de BBC. Et voilà. Donc, c'est vraiment une interaction, une télé interactive. En fait, c'est une télévision qui permet l'interaction avec l'utilisateur, souvent avec une télécommande ou un clavier, même un petit peu comme une télévision intelligente. Puis, si vous allez voir sur Internet, vous pouvez voir, il y a comme... Ils ont vraiment comme une espèce de spécialité sur Internet qui n'est pas nécessairement passée sur les ondes là-bas. Donc, la série Victoria, c'est une série télévisée britannique, dramatique, qui a été créée par Daisy Goodwin, qui met en vedette Jaina Coleman. Je ne sais pas si tu connais Jaina Coleman. Son nom, c'était pas dans Doctor Who, hein? Coleman? Je suis pas certaine. On va aller voir ça. Oui, elle était dans Doctor Who, t'as bien raison. Elle a joué aussi dans le film Me Before You. Pour ceux qui trippent sur le film, là, Me Before You. Donc, la série a été annoncée en septembre 2015 pendant que Coleman a décidé de quitter Doctor Who afin de faire... La reine Victoria. Bien évidemment, vous vous en doutez, là, c'est elle qui joue la reine Victoria. Ça a été diffusé pour la première fois le 28 août 2016. Donc, c'est tout nouveau, tout frais, c'est le fun. Puis, si vous êtes genre à vouloir suivre une télésérie sur Internet, dans sa langue officielle, si vous aimez écouter des téléséries en anglais, surtout britannique, parce que c'est un accent différent, allez-y, sautez dedans, c'est super bon. Et probablement que l'accent est très, très soigné. Oui. Contrairement à d'autres émissions britanniques où le slang sort, ici tu vas comprendre tout parce que c'est à l'époque où c'était classe l'accent britannique. Vous allez voir, par contre, il y a simplement 8 épisodes à la série. Ouais. Par contre, sur ITV, ce sont des épisodes d'approximativement 50 à 55 minutes. Okay. Le premier épisode, si je me souviens bien, dure 1h10. Okay. Donc, vous voyez, ça ne suit pas nécessairement dans les heures de la série. Par contre, c'est 8 épisodes et ça suit vraiment les débuts de la vie de la reine Victoria à partir de son accession au trône à l'âge de 18 ans jusqu'à ses fiançailles et à son mariage au prince Albert. Ben voyons donc qu'elle est née 3 ans après moi puis qu'elle a fait 16 séries. Ben, yeah. Hein? Ouais. En tout cas, hein? C'est, hein? Ben oui. C'est ça. 86. aux États-Unis, sachez-le, par exemple, si vous voulez l'écouter quand ça va sortir du côté de l'Amérique du Nord, ça va être diffusé le 15 janvier 2017 sur PBS. PBS, oui, la chaîne, le réseau public américain. Et voilà. Donc, ça va être diffusé là-dessus. Ça a du sens, mais simplement en 2017. Fait qu'allez l'écouter sur Internet. Ouais. C'est les mêmes qui diffusaient Downton Abbey et les autres séries britanniques. Ah, Mr. Selfridge et tout. Donc, sûrement que peut-être que Radio-Canada va diffuser ça, eux qui diffusaient Downton Abbey et Mr. Mm-hmm. Selfridge. Donc, peut-être les séries britanniques ont une case horaire réservée, on dirait, sur Radio-Canada. Peut-être, oui. Ah, puis moi, je veux tout simplement mentionner aussi le fait que Rufus Sewell joue là-dedans. Je sais pas si tu sais qui est Rufus Sewell. C'est un acteur britannique assez bien reconnu. Okay. Il a joué dans plusieurs films. C'est un acteur que j'aime beaucoup, mais il joue un rôle très, très important. Alors, si vous êtes genre à vous... C'est qui? Ouais, non, c'est ça, je l'ai dit pas, là. Je dis pas de spoiler, vous êtes fous! Allez voir, tout simplement. Merci, Tania. Fait plaisir. La série s'appelle, encore une fois? Victoria. Victoria. Ils sont pas allés très, très loin pour chercher. Ils sont pas allés super loin, non, en effet. Merci, Tania. Une autre chronique demain et tous les matins de semaine à Assemblage Requis. Les liens sont sur la page Facebook, en passant. Oui. Justement, tiens, vu qu'on a parlé de reine, j'ai cherché une pièce qui avait rapport avec les bijoux, quelque chose comme ça. Donc voici la formation Emeraude et la pièce phare. Assemblage requis. Je reviens le feu, Fanny. Power. Phare à Assemblage Requis. Au retour, David Ferron. Mais voyons donc. Pour parler du prochain Zone Campus. Vous êtes assez tardé pour l'écouter. 89.1. C'est fou.ca. C'est toujours à Assemblage Requis en ce mardi 20 septembre 2016. C'est Tania Baudin. Et Mathieu Plon. On est toujours sur le terrain, le micro magique qui est en train de capturer le son sur le toit, la construction du pavillon Néré-Beauchemin. On refait la toiture et on en parle depuis la semaine passée. Oh. OK, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une drille, non, il était tout simplement en train d'enlever le fil du compresseur, mais ça a fait du bruit, puis ça a fait de la fumée, c'était hot. C'est pas le meilleur moment pour écouter dehors, parce qu'il se passe pas grand-chose. Non, je te dirais qu'on dirait quasiment qu'ils sont en pause. Ouais, mais en même temps, ça bouge, ça marche, tu sais. Ouais, ça marche. Oh, on pourrait quasiment les entendre parler, ils parlent. Attends. Ah non. Non, pas vraiment. C'est parce que ça doit être parce qu'il y a une cigarette dans la bouche, fait qu'il marmonne un peu comme Léo dans Bob Graton. Je connais mes références québécoises, tu le sais très bien. Tiens, une référence québécoise, celui qu'on a appris à adopter avec le temps, David Perron. Moins depuis les trois derniers jours. Depuis les trois derniers jours, particulièrement parce qu'il est rendu rédacteur en chef du journal Zone Campus. Ah, je suis pas parti, mon. Attends un peu. La construction est un petit peu dans les jambes, là, attends un peu. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Salut Zone Campus, David Ferron. C'est de même qu'on t'appelle dorénavant. Ben salut assemblage requis Mathieu, ça va bien? T'as absolument, Tania, elle. Ben ouais. Bonjour Tania. Bonjour. Bonjour, publicité assemblage requis Tania, Victoria la reine. Oh! Elle a fait une chronique tantôt sur Victoria la reine. J'avoue que Tania a un petit côté là, monarchique. Très développé. Le petit doigt en l'air en permanence. Majestueuse, Tania Baudin. Bref, David... Je sais pas si c'est un compliment, mais merci. Ouais. L'ultra multitâche, l'ultra productif David Ferron, qui est nouvellement arrivé à la tête du Zone Campus depuis lundi passé. Environ, si on veut. Officiellement, oui. Officiellement, c'est ça. Il travaille quand même depuis plus longtemps que ça, mais quand même, il a trouvé une nouvelle équipe. Donc, parlons en long et en large de comment se passe l'automne aux Zones Campus. Mais avant de parler... Tu vois comment je fais mes phrases pareil comme toi? David, il fait tout le temps mais avant, tout le temps. C'est vrai? Je fais la même affaire. Mais avant... Revenons sur la fin de la saison passée. On est terminé un petit peu plus tôt que prévu. Et là, on commence un petit peu plus tard que prévu. Mais là, une fois que ça va être commencé, ça va être. On va partir au toss. Oui, exactement. On va prendre la confiture maison, puis ça va partir au toss. Oui, puis justement, le premier Zone Campus 2016-2017 va sortir mardi prochain. Donc, on espère que votre déjeuner du mardi va être bien agrémenté. Mais on l'espère. Mais c'est sûr que oui, je suis pas mal sûr. Absolument. Donc, c'est le 27 septembre. C'est la première fois qu'on l'annonce en onde. Donc, c'est dit à partir de mardi prochain. Ça veut dire qu'on commence à travailler dessus en ce moment. Tu as réussi à compléter ton équipe. Oui. Mais je pense qu'on parlera pas de l'équipe aujourd'hui. On va parler quand le journal va sortir. En fait, je vais donner un portrait global du journal. Voilà. Donc, comment ça va être de feuille en feuille, de page en page? Oui, là, il va avoir un peu moins de pages. Je l'annonce tout de suite. Oui. On va passer... là, c'était 24 pages. Il va avoir un petit peu moins, mais ça veut pas dire que le contenu va être très moindre. Mais là, ma cotisation, mes taxes! Mais ça va être... Le contenu va être super intéressant. Exactement. Je l'ai entendu hier. Ma cotisation, ouais, c'est ça. Mais on vous en donne autant, mais moins de place. Oui, mais quand même, le contenu est tout aussi bon qu'avant. On a d'excellents chroniqueurs et journalistes qui reviennent. On a aussi de la nouveauté. Oui, de la nouveauté. On ne dira pas encore nécessairement qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté, mais est-ce qu'on peut laisser des petits bribes de ce qui s'en vient? Des petites traces, oui. Ben oui. Donc, c'est sûr que les trois grandes sections du Zone Campus, c'est-à-dire l'actualité, les arts et les sports, ça revient. Oui, pas le choix. Donc, on a aussi l'éditorial qui revient. Oui. Donc, ça revient aussi... Société? Oui, exactement. Oh, oui. Donc, dans la société, on va parler de sexualité, de politique. On va également parler aussi de psychologie. Donc, on va s'intéresser autant à l'international qu'à l'être humain. Tu vois, donc ça, déjà, juste ces petits indices-là vous donnent à peu près, en gros, qui revient par ces sujets et qui est nouveau parce qu'il n'y avait pas ça dans le passé. Non, exactement. Déjà, les gens peuvent se faire des idées. En actualité, qu'est-ce qui se passe? Tu dis qu'il y aurait c'est signé, il y a un nouvel éditorialiste, c'est ça que tu dis? Oui, exactement. Wow! Ouais. Colin, ça va bien, ça? Ça avance vite, les affaires. Hein? Donc, un éditorialiste qui va parler de l'opinion du journal. On sait que c'est ça, un éditorial, donc la ligne directrice du journal. Pas nécessairement comme un peu Lucas Hébert, ce qu'il faisait l'année passée. C'est qu'il parlait pas nécessairement de ce qui se passait à l'université en tant que tel. C'est vraiment ouvert en tant que tel. C'est le sujet, je vous dirais, qui est assez ouvert, mais on essaye d'être collé quand même sur les préoccupations des étudiants, que ce soit au niveau de la politique, des arts, des sports. Donc, sans trop dévoiler, notre éditorialiste s'intéresse beaucoup aux arts, aux sports, à la politique aussi. C'est quelqu'un qui a une très belle main, mais les journalistes aussi sont excellents. Il y a juste une belle main droite, là. Sa main gauche est moyenne. Mais... C'est, ben en fait, il écrit sur l'ordinateur, donc okay, deux belles mains. Donc, ah, c'est deux. Ouais, exactement. Pour avoir des mognons, on juge pas personne. Notre public cible, ça se peut. Adam, j'ai vu ce qu'il avait écrit, puis il s'en sert bien. Si c'est le cas. Oui, donc... Est-ce qu'on a un mot de la rédaction cette année? Oui. Oui. Oui. C'est toi qui vas l'écrire parce que c'est toi la rédaction. Et je vais essayer d'écrire des belles choses. On va voir aussi le mot du directeur. Oui, ouais, pour la première édition. C'est spécial, exactement. Oui. Est-ce que ça va être au début du journal? Est-ce qu'il va annoncer un petit peu ce qui s'en vient lui aussi? Ou c'est en or? Ou ça va être où? Ben, en fait, il va présenter un peu c'est quoi. En fait, j'ai laissé libre. J'ai proposé à Jean-Philippe d'écrire un petit mot pour présenter un peu le Zone Campus, pour présenter aussi c'est fou. Le groupe des médias étudiants. Oui, donc C'est fou fait partie, et même vous deux, Tania et Mathieu, vous allez être là-dedans. On a parlé des actualités, donc allons en art et spectacle. On a un article, nous, qui s'en vient sur la nouvelle saison d'Assemblage requis, et de C'est fou un petit peu par la bande, évidemment. Donc on a fait une entrevue avec un des nouveaux journalistes. Oui, Étienne. Ouais. Ah, tu dis ça? Ben, okay. Étienne. Je donne le prénom. Étienne C. Oui, qui était à son premier article et qui, Colin, a fait une très bonne entrevue avec nous. On a placoté de plein de choses en long et en large, même qu'est-ce qu'on a abordé comme sujet. Ah, on peut pas en parler en nombre. Ouais. Non. Donc on a parlé de tout ça. Ouais. On a parlé des nouveautés. Ouais, des nouveautés. Et de d'autres choses qui n'ont pas rapport avec C'est fou du tout. Donc, retrouver ça en arrêt spectacle. Ça, on n'a pas le droit de le dire, Mathieu. Absolument pas. C'est pas enregistré. Il y a enregistré juste les 45 premières minutes, fait quand on a divulgué après, c'est pas grave. Et aussi, j'entends dire par mon oreille fine accrochée au mur, vu que t'es juste à côté de moi au bureau, qu'il y a une chronique en art et spectacle. Est-ce que je me trompe? Exactement. OK, j'ai raison. Donc, la chronique en art et spectacle, je vais tout dévoiler en détail la semaine prochaine, ça, les collaborateurs et collaboratrices, mais il va y avoir un point de vue sur les arts au niveau international. Ah, voilà. Donc, la perception des arts à travers les cultures partout dans le monde. Fantastique, ça. Et puis après ça, ben, au sport, là, on s'entend que la session commence, mais étant donné qu'on commence très tard aux zones campus, on va pouvoir avoir pas mal plus de nouvelles que si on avait commencé au début de la saison. Donc, on va parler de pas mal tout ce qu'il y a sur le campus, entre autres, un petit j'entends dire un petit résumé des sports alternatifs qui sont moins gros que les autres, n'est-ce pas? Parce qu'on essaye quand même, parce que les Patriotes, oui, c'est du soccer, oui, c'est du hockey, mais c'est aussi le golf, le cross-country, volleyball notamment. Le marel. Le quoi? Le marel. Le marel? Patriote marel. Oui, ben oui. Ben oui, madame. Ah, oh, ben j'en ai pas entendu parler. Non? Oh, ça commence mal ma courant, carrière de rédacteur en chef. Ça. Et ça se dit rédacteur en chef, incroyable. Ben je l'ai dit pas, c'est toi qui l'as dit. Mais on essaie, c'est ça, de couvrir aussi. On essaie aussi de remettre la section Patriote de la semaine. Oui, absolument. Un petit pique-nique. Ça a toujours été là à travers l'histoire, donc on ramène ça. Ça, c'est-à-dire, comme on a parlé dans la chronique de Tania tantôt, les deux Patriotes des deux dernières semaines avant l'apparition du Zone Campus. Évidemment, comme l'année passée, comme l'année d'avant, oui, on essaie d'être le plus... on a changé l'horaire de montage il y a quelques années de ça pour être le plus près de la nouvelle. Donc, les matchs qui ont lieu la fin de semaine sont couverts dans l'édition du mardi qui suit juste après la fin de semaine parce qu'on finit le montage le lundi. Il n'y a plus de délai par rapport à tout ça. Même chose pour les spectacles, même chose pour les actualités de l'AGE ou peu importe ce qui pourrait arriver pendant la fin de semaine. Ça va être monté lundi et c'est en kiosque mardi matin. Efficace comme le tonnerre! Ok, oui! Oui, exactement. Tonnerre. Puis Mathieu, toi, ça fait depuis que... Bon des mondes, hein, ouais. Ben, depuis que Jésus est né, t'es aux zones campus comme monteur. Absolument! Donc... Il y en a encore qui sont très heureux de savoir que je suis encore là. Ben merci oui. Le commentaire. Ah, c'est le fun que ce soit encore toi qui monte. Ouais, ça a toujours été moi. Ben oui, parce que t'es super compétent pour faire ça. T'as des super bonnes idées. D'ailleurs, Mathieu Pimon, on pense à des petites idées graphiques. J'ai pensé à tes idées de graphisme et j'ai trouvé une solution pour toi. Fait que ça s'en vient. Le nouveau look du Zone Campus, inspiré par les idées de David Ferron. Mais pas nécessairement des miennes, mais des tiennes aussi. Oui, Mathieu, c'est ça. Là. Mais je vais te faire quelque chose qui, je crois, va être à la hauteur de tes attentes si tu me donnes la permission de tout manier pour toi, comme de la poterie dans le film Ghost avec Patrick Swayze. Je me sens comme Demi Moore tout d'un coup. Ah, ben, Colin. T'as hâte de voir ça? Ça sent bien. Ben, ça va être génial, Mathieu. Vraiment, t'es un gars génial dans tous les niveaux. Toi moi, aussi. Je te complimente. Toi, tu me blasses en non, nombre. Non, t'es pas génial. Pas dans tous les niveaux, mais t'es aussi génial. Ça dépend dans quoi? Ça dépend. Mais on espère que le Zone Campus va l'aider, mais avec les journalistes et chroniqueurs qu'on a, ça va être une réussite, je suis pas mal sûr. Absolument. Et ne vous en faites pas, on va vous donner du Zone Campus jusqu'à la fin de l'année universitaire. Donc, c'est parti pour la gloire. Ne vous en faites pas avec ça, votre argent est entre bonnes mains. Hein? Oui, c'est ça. Puis, juste... Lisez-le, surtout. Oui, c'est ça. C'est ça, les gens, ils se plaignent parce qu'ils leur demandent des numéros, mais ils prennent pas dans le kiosque. Mais pour faut ça, le prendre, oui. Faut chialer, hein? C'est pas juste disponible dans l'université en tant que tel. Ça s'ouvre. On est ouvert au monde. On est ouvert à la communauté trifluvienne et régionale aussi. Le zone campus, oui, ça s'intéresse aux affaires universitaires, mais les affaires universitaires, ça concerne tout le monde. Je veux dire, les matchs des Patriotes, tout le monde peut voir ça. Je veux dire... La GE, ça peut être pour tout le monde aussi, à un moment donné, parce que c'est des futurs politiciens de la ville, peut-être. Ben oui, pas ça, des fois. Pas juste ça aussi, mais toutes les décisions de, mettons, l'ajecteur au niveau des activités, ben c'est quand même, par exemple, le Form Party qui aura lieu cette semaine, ben par exemple... C'est pas ce soir, ça, d'ailleurs? Ou ce soir, ben, c'est cette semaine, je ne me rappelle plus exactement pas de la date. Bonne personne, ouais. Mais le Form Party, c'est organisé par des gens en loisirs et culture et tourisme qui, eux, vont bientôt occuper le Québec par leurs compétences. Donc, ça leur donne... Oui, c'est très festif en c'est tant que tel. C'est jeudi, pardon. Voilà. Mais c'est pas grave. Tout le monde se promène dans les bulles et tout ça, mais en même temps, ben, ça demande... de l'expérience, de la compétence d'organisation, trouver des commanditaires, etc., etc. Donc, ça permet de voir un aperçu de la relève aussi de demain. Ouais. Et évidemment, on n'a pas mentionné, mais l'art et spectacle est probablement la section la plus, qui peut atteindre un plus large public parce que c'est indie, mais en même temps, ça s'adresse vraiment à la population en tant que telle. C'est même quasiment pas étudiant, à part pour le fait que peut-être un artiste ou deux, une fois de temps en temps, est étudiant ou qu'il y a une exposition à la Guerrière 3. En gros, c'est la section la plus at large pour le journal, donc art et spectacle dans le milieu. Et puis société, évidemment, non, c'est pas mal. Société numéro un, la plus at large. Oui, c'est vrai. Oui. Société ben, tout les le chroniqueurs, monde, ça, parce que les chroniqueurs sortent de la ligne de l'UQTR en tant que tel, sont libres de choisir le sujet dont ils veulent parler. Donc, ça qui est bien, il y a une diversité des pensées, il y a une diversité des sujets aussi. Donc, le zone campus, le but, c'est, oui, d'être très intéressant, mais aussi d'être ouvert, de parler de sujets qu'on n'entend pas toujours parler. Puis ça veut pas dire que c'est underground ou que c'est pas accessible, que la lecture est aride, ça se lit très bien, les chroniqueurs savent très bien écrire, savent très bien vulgariser leur sujet, donc c'est pas parce que le zone campus, c'est oui, ça sort de l'université que les gens qui ne sont pas à l'université ne peuvent pas le lire. Voilà, c'est le message pour est passé. Tout le monde. Je veux dire, ça parle de sport, je veux dire, le hockey, même si c'est pas les Canadiens, c'est quand même du haut niveau. Par exemple, il y a Guillaume Asselin qui est un patriote qui va faire le camp des Canadiens, le camp des recrues canadiens. Donc, ça vaut la peine de suivre le zone campus. Absolument. Et c'est disponible, comme tu l'as dit, sur le campus de QTR, dans plusieurs petits racks, petits distributeurs. Et à plusieurs endroits, à Trois-Rivières, entre autres les Morganes, il y a plein de cafés, d'endroits publics comme ça, bibliothèques. Des places demain. Oui, puis ça va être disponible aussi en ligne sous forme de blog aussi. Absolument, sur zonecampus.ca. Et ça va être là pour toute la session. Donc, David Ferron, rédacteur en chef du journal Zone Campus pour l'avenir. Ouais, merci beaucoup. Ça me fait plaisir de travailler avec vous, Tania et Mathieu. Merci, David. On te retrouve toutes les semaines, en fait, contrairement aux autres rédacteurs précédents. Tu vas être là aux deux semaines pour parler du journal Zone Campus qui vient de sortir le mardi matin de la sortie. Mais l'autre mardi alternatif, ça va être pour faire un avant-goût comme on le fait aujourd'hui et peut-être même jouer de la musique du monde. Et je crois que c'est vers ça qu'on s'en va après avoir parlé du Zone Campus. On va écouter de la musique du monde. Ben oui, on change complètement de sujet, on revient dans mes dadas, mais ce qu'on va entendre, c'est pas tout à fait de la musique du monde en tant que telle. Ah, ok. Si on prend... Ça mérite pas d'être trop de chroniques, ça, c'est ça que tu veux me dire, dans le fond? Ben oui, ça mérite quand même. Il me semblait aussi, j'étais pas sûr. Ça permet de boucher des trous quand t'as pas le temps de faire des chroniques, Mathieu. Absolument, donc voici ta chronique, la carte bleachée. Donc, la carte bleachée avec David Ferron, toujours avec nous. Rebonjour. Rebonjour. Oui, c'est ça. Quand on passe d'un sujet à l'autre, c'est bien d'avoir une intro pour différencier les deux chroniques. Donc, on a dit qu'on parlait pas de musique du monde, on parle de musique au sens large. Mais c'est ta chronique, la carte bleachée. Et comme tu le dis à chaque fois, la carte bleachée, c'est comme une carte blanche, mais encore plus décapante. Oui, c'est pour ça que ça s'appelle la carte bleachée. Voilà, et ça te donne l'occasion de mettre n'importe quoi là-dedans. Mm-hmm. Hein? Exactement. Qu'est-ce qu'on met aujourd'hui? Comme ceux qui suivent Assemblage Requis, mes chroniques, à chaque année, mon côté quétaine ressort, ouais. Et ça s'appelle Eurovision. Mais là, je me suis forcé, j'ai mis des tunes qui n'étaient pas pop bonbon. Okay. On n'entendra pas du sous-Marilène Tiber biélarusse. Du sous-Marilène Tiber, c'est bizarre quand même. Biélarusse. C'est comme un prénom, tu sais, sous-Marilène. Ouais, sous-Marilène. Ben, j'ai rien contre Marilène Tiber, mais pour dire que c'est de la pop générique, cheap. C'est ça que je voulais dire. Oui, tout à fait. Mais Marilyn Tiber, c'est une très bonne interprète qui chante très bien, puis qui a l'air quand même d'avoir une bonne culture au niveau des chansons francophones quand on creuse un petit peu au niveau de son répertoire. Mais en tout cas, tout ça pour dire que je parle encore de l'Eurovision. À chaque fois qu'on se parle, mais au moins, c'est, oui. On se parle plus un bout. Fait que, ben oui, ça c'est commence. Vrai. Mais il faut que vous voyez le show de 2016. C'est vraiment fou. À côté de ça, le Super Bowl, ça a l'air d'être un show... comment je dirais ça? Un show fait avec des cartons. Ah oui? Non! Hein? Quand même. Ah oui, c'est vraiment, il y a des hologrammes, des explosions, des feux d'artifice. Tout pour la gloire. Tu vas nous mettre ça sur la page Facebook, j'imagine, si t'as le temps. Oui. Oui, donc, ce qu'on va mettre, en fait, les deux chansons que je vais vous faire jouer, c'est deux chansons, mais de deux éditions différentes de l'Eurovision. La première qu'on va entendre, ça s'appelle Midnight Gold. Et c'est de la Géorgie, donc un pays, un ex-pays... en fait, un pays de l'ex-Europe de l'Est, je veux dire. Et ça, c'est l'édition de cette année. Et c'est une collaboration entre The Young Georgian Lolitas et Nika Kocharov. Mm-hmm. Donc, on va entendre Midnight Gold. Et je vous avertis, c'est assez rock psychédélique un peu. Là. C'est très loin de la pop traditionnelle qu'on peut entendre mm-hmm. dans ce genre de concours-là. Et la deuxième tune, c'est un punk ska pop. Et ça, c'est le groupe turc Athéna. Oui, une ville grecque comme nom de groupe pour une ville turque. Mais ça, je vais raconter de quoi. Il y a une petite twist amusante par rapport à ça. OK, comme un ficello. Encore plus que ça. C'est encore plus savoureux que ça. Mais c'est pas cheesy, par contre. Oh. Donc, le groupe s'appelle Athéna et la tune s'appelle For Real. Mm-hmm. Et là, c'est ça, ça a été... En fait, ça a été chanté durant l'édition de 2004. 2004, c'était à Istanbul parce que c'était la Turquie qui avait gagné l'année dernière. Donc, quand tu gagnes, ton pays gagne, ben, t'accueilles l'année suivante. Mm-hmm. Donc, c'est le groupe Athéna qui est un groupe turc. Donc, ça s'est fait en Istanbul. Et le groupe en 2004, en fait, pas le groupe, mais la chanteuse qui a représenté la Grèce en 2004 a gagné le concours. Ah, OK. Cool. Non, c'est pas vrai, je me suis trompé. C'est l'année d'après, mais en tout cas... Proche, hein? Hey, je me suis trompé, je fais des anachronismes. C'est pas grave, ça. Non. C'est tellement v'là longtemps que. Ben non, c'est l'Ukraine qui avait gagné en 2004. T'es connais par cœur, hein? Est-ce que tu pourrais aller, genre, à. C'est quoi, tous contre un dans le ouais, temps? Ouais, oui, pas tant que ça. Non, il y en a qui sont encore plus experts que moi. Ouais. Non, mais c'est y a quasiment 60 années de chansons, là. Wow. Fait que... Si tu tapes un marathon de ça, t'as pas fini, hein? Ah, ça finit plus. Ouais. Ça finit plus, mais ça permet en même temps aussi de connaître les relations sociopolitiques aussi. Mmh. C'est très compliqué, l'Eurovision. Oui, hein, c'est ça. Bon, on en parlait un petit peu la semaine passée, c'était quand même le fun. Ben oui, fait que là, on va écouter For Real du groupe Athéna, mais avant, Midnight Gold de Nika Kocharov et Young Georgian Lolitas. T'as enfin dit ta phrase, mais avant, David, ben j'attendais depuis longtemps. Assemblage requis sur C'est fou! pace around a bed and grab a cigarette out of your bag. C'était la pièce For Real. For Real. Oui, du groupe Athéna. Athéna, absolument. Et la espérons. Mais avant ça. Mais avant. Oui. On a écouté Midnight Gold du groupe, en fait, la collaboration georgienne entre Mika Kocharov et Young Georgian Lolitas. Génial, merci David Ferron. Ça fait plaisir. Pour ta chronique. Je t'ai cassé. Ah non, pas encore. Oui. Nous, c'est la fin d'Assemblage requis pour aujourd'hui. On va se retrouver demain entre 6h30 et 9h30. Demain à l'émission, on sera mercredi, donc on va faire notre classique Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a à l'émission de demain. Bien sûr, Tania Baudin va être là. Tania Zugana, oui. Tania. Et Gabriel Béaud aussi demain à l'émission. Oui, ben oui. Pour parler d'improvisation. C'est le camp d'improvisation hier et ça continue ce soir. On vous invite à aller voir la page de la Luitre et de la page du camp de recrutement pour venir jouer à l'impro avec nous. C'est dans un autre local par rapport à lundi soir, donc faites attention. C'est toujours au pavillon Michel Sarrazin pour venir participer à la Luitre 2016-2017. Sinon, à 10h aujourd'hui, ce sera Compte à rebours avec Antoine Lamoureux qui va vous compter les affaires en vous faisant jouer de la musique traditionnelle québécoise. Donc, ça commence à 10h. Ensuite de ça, à 13h, l'émission Les Grandes Voix Francophones qui change de case horaire. Donc, soyez-y à partir de 13h. J'étais en train de faire le mercredi, hein? Oui, je pense que oui. T'as raison. Je m'excuse. Annulez tout ce que je viens de dire. On recommence. Mardi. Nous sommes mardi. Donc, à 10h, ce sera la rediffusion du Mathieu Plante Show. Ouais. Oui, voilà. Tu me l'aurais pas dit, hein? Tu m'aurais laissé finir, ou? Ben, je m'aurais dit attends, quoi? Ouais, donc, Mathieu Plante Show à 10h. Ensuite, à midi, c'est Rock de Neuron. À 14h, toi et moi serons de retour pour les Palmarès, c'est fou. Et puis, à 19h, c'est Réanimation, l'émission de métal et d'horreur. Voilà qui est dit. Cif.ca pour la programmation complète. AssemblageRocky.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Merci, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. On se quitte avec une dernière pièce du Palmarès. On y va un petit peu comme une pièce qu'on n'a pas encore jouée, que ça fait un petit bout qu'on n'a pas joué. Je dirais que on commence à avoir fait le tour de pas mal tout ce qui nous reste. Hein. Pas mal. On n'a pas fait jouer souvent Holy Fuck. Non, t'as bien raison. Donc la pièce Tom Tom s'en vient et on se retrouve demain 6h30. Bonne journée. Bonne journée.